3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey! Qui se cache derrière cette casquette? Bah c'est moi. Qui se cache derrière ce mug? C'est Choubix. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Émission 114 de Have a Knicks Week sur KNF TV. Bon ok, on a fait un break. On a fait le All-Star Break, nous aussi. Bah oui, on avait le droit, hein, après tout. On est là quasiment tous les lundis pour vous parler en francophone. Et oui, mes amis, des New York Knicks, des Knickerbockers. Seb, comment tu vas après ce break du All-Star Break? Bah écoute, ça va, tu vois, aujourd'hui, on change d'ambiance dans la chambre des petits, pour des raisons personnelles, voilà, donc, mais sinon, non, ça va, bon, ça va, oui, ça va. Écoute, un jour suit un autre, après la pluie et le beau temps, qu'est-ce qu'on dit, je sais pas, voilà. On... Oui, après la pluie, grosse pluie, averse, temps, ouais. Grosse averse, on a pris de bonnes branlées, des bonnes blowouts, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais la vie continue. Oui, la vie continue. Oui, oui. On va essayer de relativiser tout ça, ou essayer d'analyser tout ça, décortiquer tout ça, se poser des questions. Bref, vous savez comment ça se passe. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, d'autant plus quand il y a deux semaines, sans s'être parlé via cet écran interposé. Donc, on perd pas plus de temps, on lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé les deux dernières semaines pour les Knickerbockers. C'est parti. Et oui, on n'est pas là pour faire la tête, on est là pour festoyer, bah oui, parfois. Et c'était le cas, entre autres, hier, et bah oui, dernier événement en date, événement associatif, vous le savez, la KNF, c'est une association, et on a réalisé le dernier événement en date, une KNF Viewing Party au Hideout. On était encore réunis avec beaucoup de membres de l'association, et même si le match ne s'est pas fini comme on aurait souhaité, c'était tout de même une belle soirée. C'est plus facile de partager les défaites lorsqu'on est plusieurs, plutôt que d'être au fond de son canapé à ruminer sur les choix du coaching, sur les choix défensifs de certains joueurs, sur l'arbitre ou que sais-je. Voilà, c'est ça en tout cas, l'association, c'est de partager des moments ensemble autour d'une passion commune qui est l'amour du ballon rond, du ballon orange, du ballon panier et de cette équipe, des Knickerbockers, qui, cette saison, nous fait passer par différents types d'émotions. Ah, c'était compliqué, mais voilà, c'était tout de même une belle soirée, donc un grand merci à Laurent et Abdoul pour avoir animé cette nouvelle KNF Viewing Party. Il y aura une date prochainement qui sera annoncée, peut-être la dernière de la saison régulière. Et oui, ça va venir assez vite finalement, hein, parce qu'on a passé le All-Star Break, et on se dirige sur la dernière ligne droite avant les festivités des playoffs. Bah oui, le printemps va arriver, et il y aura bien une au moins KNF Viewing Party pour la saison régulière. Donc restez à l'affût sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet. Ici même, on vous parlera de la prochaine date, et vous connaîtrez l'affiche très prochainement pour, save the date, comme on dit. Hein. Alors ça, c'était l'actualité de l'association. Il y a aussi un petit voyage qui se prépare, et oui, en fin de semaine, les heureux membres de la KNF pourront s'envoler pour Miami et New York. Et oui, le grand KNF trip s'annonce et se profile à l'horizon début mars. Donc vous aurez aussi les inside sur les réseaux sociaux. Deux matchs au programme, Miami Heat et Golden State Warriors. Deux salles, deux ambiances, deux états américains, deux climats aussi différents. Ça promet, mais on est sûr que, en tout cas, nos membres vont se régaler dans ce nouvel événement. Ça sera le dernier voyage associatif de la saison. On a eu deux, hein. Vous savez, le KNF Mecha Trip en janvier et finalement le grand KNF Trip 2025 en mars. Voilà, de quoi se faire plaisir, de quoi se régaler avec les Knicks. Espérons qu'ils nous régalent aussi sur ces matchs. Bon, de la régalade. La régalade. Est-ce qu'il y en a eu pendant ce All-Star Break? Bon, on a eu l'occasion de revenir un petit peu sur nos impressions de cet événement qui a quand même perdu beaucoup de sa saveur au fil des années et au fil des saisons. Est-ce que c'est seulement la faute de Adam Silver? Bon, je sais pas, peut-être un peu, hein, à force de vouloir se réinventer, chercher des formules nouvelles, du show. Peut-être qu'on se perd un petit peu dans l'essence qui était l'essence du All-Star Weekend, hein, parce qu'il y a un week-end, il y a des concours. Est-ce qu'il y avait un peu du All-Star malgré toute cette pub? Il y avait des All-Stars, oui, il y avait des All-Stars. Hein, des joueurs qui sont stars, ça, il y en avait Est-ce qu'il y beaucoup. avait du basket? Est-ce que le basket était mis à l'honneur pendant les... alors qu'il y avait plus de 2 heures de publicité Sur la soirée du dimanche, c'était clairement moins le cas. Hein, clairement moins le cas. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu sur le dernier Space, sur la dernière antenne libre sur Twitter avec Chappie la semaine dernière, mardi dernier. Mais oui, voilà, on l'a vu aussi, les audiences TV étaient en baisse et c'est quand même pas étonnant. De moins en moins de gens regardent cet événement, ces festivités, cette kermesse. Hein, on peut parler d'une kermesse, c'est peut-être plus une kermesse finalement. Voilà. Hein, avec du chamboule tout, où on fait tomber des ballons de certains racks, avec des concours de dunk où on a plutôt de joueurs qui viennent de G-League que des joueurs NBA. Et puis ce tournoi, nouvelle formule du dimanche. Avec 4 équipes, voilà, 4 petites équipes, où finalement on a des joueurs All-Star remplaçants qui jouent plus que des All-Star titulaires. Donc des formules qui se cherchent encore sur le terrain quand ça pouvait jouer, hein, entre 2-3 coupures pub, animation. Il y avait des coupures basket, des coupures basket. Le jeu était un peu plus plaisant. Ça ressemblait un peu plus à du jeu. Il y a eu des séquences défensives, on a vu des interceptions, des contres, des fautes, même des lancers francs. C'est dire. Mais voilà, en tout cas, on se perd un petit peu à la recherche d'une formule où on essaye de faire rendre un semblant de basket. C'était des petits scores. Premier arrivé en 40 points pour gagner. Donc là, on n'était plus dans l'opulence des scores qui ont monté jusqu'à 200 points la saison dernière. Voilà, ça ressemble un peu plus à du basket sur quelques courtes séquences de jeu. Mais voilà, on n'est quand même pas convaincu par le résultat. Et ça s'est montré par les audiences télé qui sont en berne. Un désamour du public, un désamour peut-être des sponsors aussi. Alors s'il y a moins de sponsors parce que y a moins d'audience, il y aura peut-être moins de coupures pub. On peut espérer ça. Mais voilà, il y a aussi un événement qui a été loupé par une prise d'otage de l'antenne de TNT qui a voulu faire un show pour leur émission. Ouais. Et c'est pas eux, les All-Stars, c'est pas... C'était lourdingue. C'est pas les commentateurs qui sont les stars de cet événement quand on n'est pas à The Voice, quoi, en fait, quoi. On met pas en avant les commentateurs, on met en avant normalement les joueurs. Donc, laissez-nous voir du basket. Il y a des rumeurs, on parle pourquoi pas d'un concours de 1 contre 1. Non, mais est-ce que t'as vu cette histoire? Ça fait des années dont on où, en parle. Le concours, alors, je vais t'expliquer pourquoi je pense que ça a pas marché. Déjà, lorsque c'est tombé l'histoire du 1 contre 1 et que j'ai vu que le gagnant pouvait gagner 1 million de dollars. Non mais. Les contrats sont pas assez énormes à NBA qui leur font encore du fric. Enfin, alors déjà, ça, si tu veux, ça m'a un peu gavé. Je me suis dit, non mais les mecs, il leur faut 1 million de dollars pour jouer un truc. Encore à la limite, tu vois, chacun représenterait une asso. Ce serait pas mal. Tu vois, il y a une association. Ouais, encore. Il y a. Bon. Mais bon. Il y a eu cette histoire d'association. Les mecs, ils pensent à leur gueule. Alors, ils veulent encore plus de fric. De toute façon, il avait dit, je crois, c'était Paul George. Donnez-nous du fric et on jouera. Bon, déjà, Paul George, joue dans ton club. Et puis, tu pourras parler du All-Star. Mais ça, c'est un autre truc. Mais là, bon, que lui disent ça. Et ensuite, je vais te dire, moi, je sais pas si cette histoire d'un contre un, les stars vont y aller parce que. Ben, tu sais, ça sent aussi un peu l'humiliation, tu vois, en un contre un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'as un mec qui est vraiment plus skillé et qui est plus fort que l'autre, tu vois, là, c'est du un contre un, tu veux pas te cacher, tu vois, t'es seul face à ton adversaire avec tout le monde autour, tu vois. Encore un concours de dunk, bon, tu rates ton trick, bon, tu vois, c'est pas grave, ça arrive. Ou un concours de 3 points, voilà, ils sont plusieurs, il y en a quand même des fois souvent quelques-uns qui passent au travers. Bon, ok, c'est de l'adresse. Mais là, du un contre un, tu vois, là, tu joues face à un autre mec. Qui lui va, tu vois, à un moment donné, il y a une fierté, tu vois, là-dedans, il y a de l'ego qui va s'y mettre. Alors, je dis pas que pourquoi pas, mais je sais pas si les gros joueurs vont vouloir y aller, dans ce sens où ça pue l'humiliation en antenne nationale, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui se fait détruire en un contre un, voilà l'étiquette qu'il a pris derrière, tu vois, pour le reste de la saison. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et ceci dit, ça ramènerait peut-être aussi cette dose de rivalité, de. Ouais, voilà, mais à la limite, si tu vas. Les rookies, peut-être, et encore, qui vont se chauffer. Mais tu vois, toi, LeBron, elle est en 1 contre 1 contre KD. Sais, tu vois contre KD. Ça, c'est. Non, j'y crois peu aussi. C'est un vieux pieux qui date enfin, qui remonte de nombreuses années. Il y avait eu une fois un 1 contre 1, une sorte de contest entre Julius Erving et Karim Abdul-Jabbar. Bon, c'était peut-être des joueurs qui étaient plus dans leur prime ou qui étaient en mode tout jeune retraité. Et clairement, bon, c'est pas forcément évident à regarder parce qu'on n'est pas sur du 1 contre 1 en mode c'est la street et ça joue, ça trash talk. Voilà, on n'est pas sur cette approche-là. On reste sur du basket qui reste assez propre. Mais ouais, c'était pas forcément très télégénique. À voir aussi maintenant avec l'évolution du jeu. Si c'est un concours de 1 contre 1 où les mecs ils passent leur temps à shooter derrière l'arc Et de plus en ça, plus et loin, tu sais, regarde, ça va pas être très marrant non regarde, plus à regarder, quoi. regarde le concours de dunk qui se finit avec des mecs, avec notamment un mec de G League, tu vois. Et le concours de 1 contre 1, ça va finir avec El Professeur sur le terrain. Hein. C'est, tu vois, et ça va finir comme ça, tu vois. Donc. Après, pourquoi pas un petit concours de 3 contre 3, ça pourrait aussi être. Alors, c'est un autre jeu le basket 3 contre 3 aussi. On est sur. On l'a vu, et ça a notamment été mis à l'honneur lors des Jeux Olympiques. Ouais, c'est On chouette. voit que c'est pas tout à fait la même discipline, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes profils de joueurs qui sont recherchés. Voilà, il faut des joueurs beaucoup plus polyvalents, plus endurants aussi, qui sont capables à la fois de shooter de loin, parce que c'est toujours important dans le basket, mais aussi aller au mastic, parce qu'il faut aller chercher des fois des paniers un petit peu de gratteurs proche de la planche. Donc voilà, ça se construit pas de la même façon de jouer du 1 contre 1 avec juste un quart de un demi-terrain, ou du 3 contre 3 avec un demi-terrain. Bon, j'y crois pas, moi, cette histoire. Et comme tu l'as dit, il y a ce côté, ouais, c'est le concours des égos, et qui va avoir l'envie de s'afficher et de se dire, ouais, moi, je suis le meilleur de 1 contre 1. À la fois, ça pourrait apporter un peu de rivalité, un peu d'intérêt. Mais non, il faut revenir aussi à des fondamentaux, à des basiques. Cette notion qu'on a perdue avec la conférence Est, la conférence Ouest. Bah, je pense que ça fait du mal. On a voulu faire des associations de copains pour dire bon allez comme ça on associe n'importe qui avec voilà. On perd en lisibilité, on sait plus qui joue avec qui. Et puis voilà, vous voulez de la rivalité? Bah mettez-moi de la conférence Est contre la conférence Ouest. Vous voulez du tournoi? Faites du tournoi. Faites les titulaires de l'Est contre les titulaires de l'Ouest. Faites les remplaçants de l'Est contre les titulaires de l'Est. Et puis voir qui mérite plus sa place de All-Star. Donc il y a peut-être. Autour de la formule du tournoi, des choses à améliorer, à ajuster. C'était que la première année, laissons peut-être aussi un peu de temps pour voir comment tout ça évolue. En tout cas, il y avait une meilleure dynamique. Il y a des joueurs comme Wembanyama qui ont apporté du jeu. Il n'est pas le seul. Jaren Jackson Voilà. Jr. a aussi eu une intensité et une volonté de jouer des séquences. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, il y avait quand même beaucoup de choses à redire sur ce format de All-Star Weekend. Moi je vais te Ce qui est dire, sûr, moi c'est je que ça va revenir. moi Ça va je c'est revenir à ça, l'All-Star Weekend. c'est ça, c'est que moi à la base, moi je serais partisan, tu vois, de dire bon, allez, on a compris, plus personne n'en veut de cet événement. Ouais, mais Il non. faut assumer qu'il est mort. On fait des nominations comme pour les All-NBA, voilà, tu fais des nominations, bravo, vous êtes All-Star, félicitations, et tu leur donnes à chacun une semaine. C'est vrai que la saison est longue, peut-être désormais plus physique, ou je sais pas quoi, par rapport aux années passées, même si j'y crois peu. Et allez, tu leur donnes une semaine, bravo à tous, All-Star Break, tu peux continuer à l'appeler comme ça si tu as envie. All-Star Break, une semaine, les gars, allez à Cancun, détendez-vous, et puis vous revenez en forme pour le sprint final. Bon, ça me choquerait pas, et quelque part, ça me À manquerait la pas, fois quoi. à la fois les joueurs ont du break. On a pu voir certains joueurs qui étaient déjà pas All-Star, comme le fameux Paul George, passer un peu de temps sur la plage. Jericho Sims aussi passe un peu de temps sur la plage. Josh Hart aussi qui a passé un peu de temps en famille. Donc les joueurs arrivent à trouver un moment de break, même ceux qui sont sélectionnés pour le week-end. Mais non, le All-Star Week-end va Ben perdurer, oui, parce sûr, qu'il y a non mais. des contrats Ah télé, des c'est contrats ça, c'est sponsors. ça. Et même ne serait-ce que les villes, elles sont contentes d'accueillir cette kermesse, cet Bah ça dé ensemble de ça dé rassemblement de joueurs, d'anciens, c'est le franchement monde de la ça. NBA qui s'y retrouve, Non mais quoi. ça dépend quoi. Enfin, Los Angeles, ils ont le All-Star tous les 5-6 ans quoi. Non mais tu vois, et la gare cette année, c'était à Golden State, enfin à San Francisco. L'année prochaine, c'est à Los Angeles, et d'après, c'est à Phoenix. Ils pourraient pas faire un cool Est, un cool Ouest ou quoi? Ou alors t'as des teams qui sont, enfin des villes, pardon, qui sont pas intéressées aussi pour l'événement. Hein. Bah, on se posait la question parce que typiquement Boston, qui est une équipe, enfin une franchise qui a pignon sur rue en NBA, qui a aussi une fanbase importante en termes de population de Ah basket, de bah, public oui, hein. basket, Ah oui. depuis 1964, ils n'ont pas accueilli cet événement. C'est Alors mort. peut-être que c'est ce côté bling-bling, starlet, Hollywood, un peu qui n'ont pas envie parce que voilà, il y a une image d'équipe, besogneur, travailleur et tout. Bon, admettons, il peut y avoir un peu ça, voilà, le fait que l'événement colle pas avec l'identité de la ville, mais c'est curieux de voir effectivement des villes comme Los Angeles régulièrement l'avoir. On verra. New York, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'il n'y a pas eu de All-Star à New York. New York ou Brooklyn, hein. D'accord, maintenant il y a plusieurs salles pour accueillir ces différents événements. Mais en tout cas, oui, l'événement il va durer. Est-ce qu'il va, il va continuer d'évoluer? Sûrement, parce que voilà, il y a un événement qui est un peu en péril. C'était pas le meilleur cru, clairement. C'était peut-être pas le pire. Est-ce qu'on retrouvera un intérêt, une envie? C'est dommage en tout cas qu'on perde en tout cas cette saveur. L'année dernière, c'était bien pourri. Ouais, c'était pire. Ah ouais, l'année dernière, c'était C'est moins pire, mais... C'était du foutage de gueule, mais en direct, en 16-9e... Même cette année, sortir un MVP du All-Star Game, au final, ils ont sorti Steph Curry parce qu'il était limite chez lui, qu'il a mis 2-3 paniers à un moment donné, mais quand tu regardes les stats, puis tu prends les stats de la finale, ou aussi de la demi-finale, il y a des trucs, c'est tiré par les cheveux, quoi. Mais tu sais, je pense que pour la legacy d'un joueur, désormais, il faut plus prendre... Avant, tu vois, souvent, c'était pris en compte, le MVP du All-Star Game. Mais je pense que fois... Si, souvent. On comptabilise les sélections All-Star, on va dire. C'est un joueur qui a été 4 fois All-Star. Ouais. Ah oui. Mais là, maintenant. Et à la fois, c'est la reconnaissance d'une demi-saison accomplie. Pas forcément une bonne saison. Il y a des fois des All-Star qui ont une demi-saison plus compliquée derrière. Mais voilà, c'est à la fois la reconnaissance du fait de faire partie du gratin à un moment donné, à un instant T dans une saison. Il y a un côté vote de popularité et aussi une réflexion à avoir. Là, puisque de toute façon, il n'y a plus d'alignement de joueurs par conférence, pourquoi est-ce qu'on vote par conférence? Ça n'a pas vraiment de sens non plus. À quoi bon avoir 12 All-Stars à l'Est et 12 All-Stars à l'Ouest si derrière on mélange tout le monde? Autant dans ce cas-là, mélanger tout le monde dès les votes. Et puis si il y a 24 All-Stars de l'Ouest et aucun de l'Est, ben, là, il y aura peut-être de la rivalité qui reviendra, je ne sais pas. Mais bon, il y a des questions à se poser. La NBA est à la fois des fois... très strict sur certains pans de son histoire et essaye de trouver des évolutions de l'autre. On verra. En tout cas, cet événement du All-Star Break, c'était aussi l'occasion d'annoncer, non pas des All-Stars, mais des Hall of Famers. Et il y en a un qui aura son entrée au Panthéon du basket, même si là aussi, on peut se dire parfois que c'est un peu galvaudé, cette affectation et cette attribution de titre honorifique de Hall of Famer. Et ce Hall of Famer, un ancien X, c'est qui? C'est pas Billy Donovan, même si lui va y rentrer en tant que coach, ancien coach, en tout cas, enfin coach universitaire et pas vraiment son passage en NBA actuel et même en tant que joueur. Mais non, ce joueur Hall of Famer, c'est Carmelo Anthony. Carmelo Anthony aura son entrée méritée, je pense. Toi, tu vas me dire un peu ce que t'en penses, Seb, sur Melo, mais son entrée au Hall of Famer en août ou septembre prochain, et un Carmelo Anthony bah, qu'on retrouvera en plus au micro, puisque la saison prochaine, il sera commentateur officiel. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne, si c'est sur Amazon ou ABC, mais en tout cas, il va officier un peu plus régulièrement au micro. C'est sur NBC, voilà, NBC, qui récupère une partie des droits télé pour la saison prochaine. Bon, Melo Hall of Famer, on pouvait s'y attendre ou pas? Dans la mesure où T-Mac ou Vince Carter ou Mitch Richmond ou Tim Hardaway sont, je pense qu'il a totalement sa place, oui. Ouais. Il y a un CV qui a été bien étoffé par la carrière FIBA. On parle d'ailleurs d'un Hall of Fame du basketball et pas de la NBA. Et puis, mine de rien, c'est quand même le 9e, je crois, top 9, scoreur all-time en ce moment de l'histoire de la Ligue. Donc voilà, c'est une longévité qui lui a permis d'enfiler un peu de panier. Il manque bien sûr des accomplissements individuels. Il a été multiples fois All-Star, souvent par son nom, mais ça rentre sur le CV à la fin. Tu vois que voilà, tu vois que c'est pris en compte. Quand en fait on sait plus quoi dire sur le mec, il a été multiples fois All-Star quand même. Bon mais voilà, tu vois. T-Mac, c'était le cas. Tu me poses la question, moi je te dis dans la mesure où Mitch Richmond, Tim Hardaway, T-Mac, et je pense qu'il y en a d'autres l'ont été. Vince Carter. Et Vince Carter, il a totalement... Bah ouais, il a totalement... Bah du coup, Melo a totalement sa place. Moi ça me choque pas pour le coup. Carter y est, pourquoi Melo n'y serait pas? Ces mecs-là n'y seraient pas, je te dirais, moi c'est plutôt étonnant. Ces mecs-là y sont, c'est normal qu'ils y soient. Il rentre dans le cahier des charges, il a quelques éléments... pour cocher les cases qui feront de lui un Hall of Famer. Et voilà. Alors, dans la QV, je crois qu'il y avait également Amar'e Stoudemeyer qui était prévu, qui était shortlisté sur la liste précédente, enfin précédente sur les candidats, on va dire, mais pas retenu. Bon, pour le Stoud, voilà, Après, rookie c'est de ce qui fait, l'année, mais comme tu dis, maintenant c'est le Hall of va Fame, falloir attendre. c'est le Hall of Fame du basketball, comme t'as dit. Donc, avec ses accomplissements avec Team USA et ses nombreux titres de champion olympique, et puis il a eu un record aussi qui a été battu par Kevin Durant, mais pendant longtemps, je crois que ça a été lui le meilleur scoreur. Meilleur scoreur. Voilà. Donc, quelque part, même, il méritait plus que les noms que j'ai cités. Donc, voilà. Écoute, tant mieux pour lui. Bravo, Carmelo. Félicitations. Bravo Melo, voilà, on ira te voir à Springfield, ou pas, je sais pas, bref. Des joueurs qu'on n'ira pas voir, Moses Brown, bah oui, qui c'est Moses Brown? Bah il était dans l'équipe de G League et il a signé quelques jours à Dallas. Mitchell Robinson, est-ce qu'on va le voir? Bah peut-être à un moment donné, il va peut-être reprendre le jeu. Tim Thibodeau, Tom Thibodeau, Tom J'allais Thibodeau. dire Tim Thomas, non, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tom Thibodeau qui met son manoir, enfin son manoir, sa villa, sa maison. Ça demeure en vente. Est-ce que ça annonce quelque C'est chose? génial, j'ai vu les photos, c'est génial. T'as les panneaux des préceptes de pré-saison avec Dans défense, sa machin. Ouais, chez lui, Batcave. ah, j'adore. Le mec, y a que ça. Alors, par contre, j'ai pas compris le concept. Il y a une photo. Où c'est. Alors tu comprends quand ça va être sa salle Oui, de il y a un visionnage. toboggan dans la piscine. Il y a un Non, toboggan dans la alors piscine aussi. c'est pas. Et on s'imagine Tom Thibodeau Non, descendre c'est pas en ça. slip de bain à C'est faire pas des ça. bombes. C'est-à-dire qu'en fait, il a sa salle de visionnage. Tu comprends que c'est sa salle de visionnage parce que t'as 5 fauteuils qui sont tournés dans le même sens. Donc tu comprends qu'il doit y avoir un écran de l'autre côté. Mais derrière, t'as un plumard. Tu vois, et t'as un coin cuisine. Alors soit il aime bien se faire des petites soirées télé, tu vois, il fait son petit plateau repas et puis dans son lit, tu vois. Soit il y a des choses pas claires qui se passent où les fauteuils peuvent se retourner vers le lit. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait le top, tu vois? Il fait des trucs chelous. Mais il y a cette pièce, tu vois, il m'a fait poser beaucoup de questions, tu vois, avec ce fauteuil, ce lit, ce coin cuisine, tu vois, à moitié carrelé avec Alors, les murs de chez Papi, enfin, les lots chez Mamie. J'ai trouvé. semble-t-il, des informations qu'on a pu obtenir de la part de Stéphane Plaza, c'est sa salle de visionnage. C'est pas sa salle de vie principale, C'est c'est pas son sa lupanar. man cave. Man cave, c'est ce qu'appellent les Américains leur salle, voilà, pour les loisirs, les hobbies des hommes. Alors certains vont Après, regarder les c'est. matchs NFL, lui ça va sûrement plus les matchs de basket. Mais effectivement, il y a de quoi manger, il y a de quoi dormir. Je pense qu'il passe un temps fou devant ses Bah, écrans. vu que de toute façon, lui, il est tout seul, il n'a pas d'enfant ou quoi. Mais c'est pour ça qu'on se demande à quoi sert ce toboggan aquatique. Ben, kiff. C'est un grand enfant après peut-être. Non mais Après après, tout. non mais après, je crois que il a sa nièce, je crois. Je crois qu'il est par rapport, je crois que c'est les enfants de son frère ou de sa sœur. Et je crois qu'il a une vraie proximité avec eux. Tonton Donc Tom, tonton donc Tib. ouais. Donc je crois que voilà, on va à la piscine chez tonton Tib. Donc c'est bon. Je Et pense que puis c'est après, pour vous ça. regarderez dans le home cinéma le dernier Disney, quoi. Allez, hop. Voilà. Dans les fauteuils. On est sage, hein. On met pas des miettes partout avec le pop-corn. Donc. Donc voilà, ça c'était les petites news un peu rigolotes. Bah, on a vu aussi un peu moins rigolo bah, la fin de saison pour Bojan Bogdanovic. Bojan. Bon, bref, celui C'est qui était chez Boyan. l'Enix et C'est c'est Bojan, Boyan. c'est Bojan. Non, c'est Bogdan Bogdanovic. Ouais, voilà, le Croate. Et voilà, fin de saison blanche pour lui. Finalement, l'Enix ont bien fait de le trade contre Mikal Bridges. Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, Et il serait resté. Shaq Milton, je crois qu'il est, il est pas du côté des Lakers maintenant, lui. Aucune idée. Je crois. En tout cas, les Nets ont coupé le joueur qu'ils ont acquis cet été. Comme quoi, voilà, c'est un trade perdant pour eux. On reparlera des 5 tours de draft, dont le 2025 non protégé, projeté aux alentours du 27e pic. Mais bon, on le sait, en NBA, les pics de draft, des fois, peuvent obtenir des valeurs qu'on ne suspectait pas au moment des trades. Allez, on va rentrer sur un gros sujet. On a parlé de Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, il fait toujours débat. Il a toujours fait débat depuis le moment où il est arrivé à New York et même avant. Et le débat, un petit peu du moment avant de faire la rétrospective des 5 matchs qui se sont disputés la semaine, enfin la quinzaine passée, bah, c'est un peu de connaître le niveau des Knicks. Le niveau des Knicks, on le sait. Bilan comptable, c'est les troisième équipe de la conférence Est, mais c'est une équipe qui a du mal contre les mêmes adversaires, et ces Le moins qu'on adversaires, puisse dire. C'est OKC, c'est les Cavs et c'est Boston. Du coup, on a vu passer tout un tas de conclusions hâtives ou pas, de panique, réflexion ou pas, d'interrogations en tout cas sur le niveau réel des Knicks. Alors oui, on sait que le All-Star Break est passé par là, qu'il y a eu quelques blessures, qu'il y a eu quelques retours de blessures. Mitchell Robinson n'est toujours pas rentré dans l'effectif actif des Knicks, même s'il s'entraîne, et que son retour... On en parle aux alentours de début mars, on ne sait pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, bon, un retour de plus en plus imminent. On sait aussi que les Knicks ont deux All-Stars titulaires, même s'ils n'ont pas tellement joué. Et on sait que les Knicks, bah, c'est une équipe qui score plutôt pas mal, hein, quatrième, je crois, offensive rating, donc dans les attaques les plus efficaces, les plus prolifiques en termes de rendement. Mais une équipe qui, au contraire, en défense, bah, se situe plutôt mal, plutôt 20e defensive rating, qui encaisse plus de points. Alors, ça leur permet d'avoir un différentiel, ce qu'on appelle le net rating, l'écart entre l'attaque et la défense, qui est positif. Ce qui est pour ça que les Knicks gagnent des matchs, heureusement. Mais voilà, on se pose des questions. Et voilà, il y a eu un débat, enfin un débat, une tech qui a été prise, une réflexion qui a été posée pas plus tard qu'hier sur Twitter en disant « Est-ce que les Knicks, c'est une fraude ?» Bon, fraude, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas pour faire réagir, qu'est-ce qu'on pense du niveau réel des Knicks ? Est-ce que les Knicks, c'est des contenders ? Un terme que moi, je ne prendrai pas pour cette saison, clairement. Mais voilà, la réflexion, c'est quoi le niveau des Knicks ? Est-ce que les Knicks, ça va dans le mur ? Est-ce que les Knicks, c'est une équipe qui est faite pour gagner ? Est-ce que les Knicks, c'est une équipe, cette saison, faite pour atteindre leur objectif ? Et l'objectif, c'est de faire mieux au moins que la saison dernière, à savoir pas passer le second tour des playoffs, arriver jusqu'en finale de conférence. C'était ça un peu l'idée de Léon Rose lorsqu'il a été chercher Mikal Bridges, lorsqu'il a prolongé OG Anunoby, lorsqu'il a pu réaliser le trade pour Karl-Anthony Towns. Qu'est-ce qu'on pense du niveau réel ? C'est quoi le niveau réel des Knicks en 2025 après ce All-Star Break ? Seb, à toi la parole. Bah, tu serais allé chercher cet été tu vois, Daniel Theis et je sais pas, Cam Reddish, tu vois, sur des blases comme ça. Cam Reddish. Tu vois, je te dirais, tu vois, tu peux pas être nommé parmi les contenders ou en tout cas parmi les favoris pour aller chercher le titre. Tu vas chercher Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges. Tu vois. Et tu vas étoffer un effectif où tu as déjà à l'intérieur OG Anunoby pour qui t'a tradé, Jalen Brunson et Josh Hart. Donc, tu as fait des gros mouvements avec des stars, parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Karl-Anthony Towns était déjà multiple All-Star. Mikal Bridges a été nommé déjà, je crois, dans une All-NBA Defensive Team. All-Defensive Team. Et puis un joueur important des Suns quand ils vont en finale. Et puis après, derrière de Brooklyn Nets. Ça, c'était, on va dire. Peut-être pas une star en la personne de Mikal Bridges, mais un All-Star prétendant. Ouais, mais. Et puis un mec référencé. Et c'était le franchise player des Brooklyn Nets. Par défaut. Ouais, mais ça l'était. En tout cas, les Nets avaient trade Kevin Durant contre un assemblage de joueurs dont Mikal était issu, et qui donc était, un joueur valuable tout de même. Et qui était la pièce un potentiel, quoi. Et qui était la pièce centrale du côté du trade pour Brooklyn. Donc tu fais quand même des mouvements importants sur des joueurs importants. Donc évidemment que ça te classe. Demain, tu sors ces mouvements, parce que là on en parle, parce que c'est les Knicks et que ça nous concerne, entre guillemets. Demain, c'est les Lakers qui font ces mouvements. Ben, tu dis ouais, en fait, là, ils vont aller chercher le titre. Que quand ils vont ils ont une ambition, quoi. Que quand ils vont chercher Anthony Davis et qu'ils trade juste Ingram, Josh Hart, machin, avec des tours, on dit ils sont contenders, tu vois, ils vont chercher Anthony Davis, tu vois. Donc, et puis l'année d'après, ils sont champions. Tu vois, tu remettrais ces mouvements dans un autre contexte, dans une autre équipe, tu dirais ah ouais. Là, j'ai l'impression qu'on minimise ces mouvements en disant « Ah, je sais pas, parce qu'en fait, vous voyez, bon, Mikal peut-être, oh, et puis 4, c'est par défaut, le mec, on sait très bien que c'était Anthony Davis, le franchise et machin. » Non. Léon Rose a bougé de gros mecs et clairement, il a par ses mouvements, on a envoyé un message. Déjà, regardez, on monte une équipe pour contrer Boston. Alors j'ai presque envie, tu vois, de tomber par terre et de m'éclater de rire. Et, Bon, en, pour l'instant, on n'y est pas. et ensuite, on fait ces mouvements. C'est pas pour dire, non, mais nous, on vise encore une fois la demi de conf. Allez, Bah non, peut-être la non. finale. Peut-être la finale de conf et encore. Non. Tu fais venir Karl-Anthony Towns. Tu fais venir Mikal Bridges. Tu as des ambitions. Il faut pas se cacher Ah, derrière ça. clairement, clairement. Pas se cacher derrière ça. Tu as des ambitions. Alors maintenant, comme je disais hier sur Twitter, là, je parlais avec quelqu'un. Soit cette équipe est mal montée, mal équilibrée, et c'est de la responsabilité de Leon Rose, qui a peut-être surévalué certains joueurs, ou en tout cas qui a peut-être mal réfléchi à l'alchimie que ça pouvait, qui pouvait exister entre eux. Soit cette équipe n'arrive pas à jouer ensemble, et dans ces cas-là, c'est de la responsabilité de Tom Thibodeau, Coach. parce qu'en fait, ben, un coach, il doit arriver à trouver des solutions et arriver à faire jouer ses joueurs ensemble. C'est son rôle. Le rôle du général manager est d'amener des pièces en relation. Hein. Il doit parler avec son coaching staff. Qu'est-ce qu'il vous Ouais. faudrait? Quel profil? Qu'est-ce que tu penses que? Parce que tu as un coach qui a une philosophie. Et le coach, lui, avec ces joueurs-là, il doit arriver, c'est son rôle, il est payé pour ça, et bien comme il faut Faire un gagner l'équipe. comme Thibodeau, il est payé pour ça, à bien les mettre en place et dans des bonnes conditions. C'est ça qui différencie des mauvais coachs, il y a des bons coachs qui, eux, vont arriver à voir les profils de chacun, voir dans quelles circonstances ces mecs-là vont pouvoir l'aider, les assembler, faire des line-up qui vont bien tourner, et c'est ça son rôle. Alors, soit en fait, ben finalement, les profils des joueurs n'étaient pas les bons. Et là, en fait, on se retrouve avec une équipe qui, pendant encore 2-3 ans, vont être en place, en sachant que l'année prochaine, tu vas quasiment sur. Alors, sauf Precious Achiuwa qui ne sera plus là, Kampaign qui ne sera plus là et Chamet qui ne sera plus là parce qu'ils sont en fin de contrat. Mais sur les joueurs majeurs, ils sont tous sous contrat Sinon, encore l'année tout le prochaine, monde est sous voire contrat et plus. tu vas payer 126% du cap. Tu as payé 126% du cap sur tous ces mecs-là. Donc, bon courage pour arriver à faire un banc avec ça. Je crois qu'on sera encore en dessous du second éperon de quelques centaines de milliers de dollars. Donc, bon courage l'année prochaine pour arriver à monter une équipe. Mais là, on ne parle pas de l'année prochaine, on parle de cette année. Cette année, on a bougé cet été pour avoir des ambitions. Et ces ambitions, pour l'instant, on les retrouve face à Atlanta, face à Chicago, Ouais, face les équipes à machin. qui sont derrière nous, quoi. Et dès que tu as des équipes qui sont un peu plus fortes et qui vont nous rentrer dans la gueule, hier c'était la seule fois contre Boston où on a vu Une aller réaction. une réaction, parce que quand même à un moment donné, je pense que les joueurs se sont dit, bon, ça suffit d'avoir les fesses rouges. Mais sinon, toi et moi, tu le sais très bien, Ah, sur les. dès qu'on commence à prendre On subit. 15 points de retard, 10-15 points de retard, c'est que c'est terminé. Le match, tu On sais qu'il subit. est terminé. Alors. Bah, dès l'entame. Après, on va reparler des matchs en détail après. Mais Mais donc, effectivement, cette sur équipe. les moves effectués par Léon cet été, c'est des moves pour avoir de l'ambition. Après, avoir de l'ambition, je différencie souvent l'ambition de s'afficher, de dire, se déclarer, on est contender. Cette équipe, elle a beaucoup changé cet été parce que les pièces qui ont changé, c'est des pièces majeures. On a vu les décalages que ça a introduit dans les rotations. On a éternellement discuté autour du banc, de la profondeur de banc, de la pauvreté du banc, des rotations de Thibodeau. On va pas revenir dessus, mais sur le niveau global, avec les joueurs en place et avec les joueurs cadres, parce que c'est les joueurs cadres qui vont faire gagner l'équipe, c'est eux qui vont mettre l'équipe à un certain niveau dans la hiérarchie NBA. On voit qu'on bute systématiquement sur les mêmes équipes, qui sont des équipes qui sont au top de la ligue. Donc on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls à perdre contre eux. Mais quand on regarde Boston ou quand on regarde Cleveland pour la conférence Est, il y a des équipes comme Indiana, il y a des équipes comme Toronto qui ont su gagner contre ces équipes-là. Pourquoi est-ce que les Knicks n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a un complexe d'infériorité? Est-ce que c'est le jeu pratiqué qui n'est pas bon? Parce que effectivement, défensivement, on n'est pas une équipe élite NBA. On est dans une équipe dans le dernier tiers défensivement, et c'est là aussi où beaucoup des maux de l'équipe sont, et face à des équipes qui, au contraire, sont déjà très fortes, entre le champion en titre, Boston, et Cleveland, qui fait une saison phénoménale, et ben ça tient pas la route, ça tient pas la route, Ouais, mais c'est tu vois, ouvert. c'est ça qui va pas, c'est que tu as un coach réputé pour être un coach défensif, avec des préceptes défensifs, et tu te retrouves quand même avec des joueurs défensifs dans ton Ouais. équipe. Mais tu sais, Alors. tu disais, il y a des équipes qui arrivent à gagner. Et donc, nous, on perd contre les top teams, ça arrive. Ça arrive. Non, Mais le pas. fait que Mais Cleveland pas. et Boston ont des meilleurs bilans, c'est qu'ils ont Mais forcément pas. gagné plus Mais de pas, matchs. mais Mais avec pas, la manière, c'est la manière. mais C'est la pas avec manière ce qui me pose niveau de problème. jeu. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que tu prends systématiquement des blowouts contre eux, quoi. C'est-à-dire que tu les. Et Là, trois matchs contre Boston, hormis. c'est la manière qui est Trois matchs, très tu te fais très rentrer. dérangeante. Cleveland, on en parlera, on s'est fait défoncer. C'est que quand on a joué au KC, on a fait illusion sur un match. Après le deuxième, on s'est fait défoncer. Je veux dire, donc c'est pas. C'est. Oui, ça arrive de perdre contre les top teams. Bien sûr, la saison est longue, 82 matchs, tu n'auras pas 82 victoires. Mais c'est la façon dont on perd, c'est la façon dont on joue. À un moment donné, il n'y a plus d'idées dans cette équipe. Et qui donne les idées? Qui doit mettre le cap? Qui doit, tu vois, qui doit amener quelque chose de nouveau dans une équipe si c'est pas le coach? C'est les joueurs aussi. Mais alors, pour revenir sur deux points, il y a deux choses. Je disais qu'il y avait de l'ambition qui a été affichée clairement cet été. Le but était de faire partie des équipes top de la ligue. On a terminé la saison dernière deuxième de la conférence Est, peut-être par des concours de circonstances heureux et puis par une régularité, là où d'autres équipes dans la conférence, telle Milwaukee, telle Philadelphie, ont marqué le pas. Donc tant mieux, on s'est glissé sur une deuxième place et c'était tout à l'honneur des Knicks et de l'équipe en place à l'époque. L'ambition, c'est différent de dire ouais, on est dans la course au titre, parce que pour moi, je crois pas à l'équipe qui fait des moves l'été et qui, boum, peut être contender, peut être candidat au titre. Déjà, le candidat numéro 1 au titre dans cette ligue, c'est Boston. C'est les champions en titre, c'est les champions sortants. Ils n'ont pas fait de move ou alors à la marge sur leur banc. Donc, il y a une reconduction. Et voilà, ils font partie, inéluctablement, partie de la liste des contenders. Après, des contenders dans la ligue, faut avoir du vécu, faut avoir de la constance, faut avoir aussi déjà réussi à se hausser haut du panier, haut du niveau. On pense à OKC, qui a fait une très belle saison régulière la saison dernière, qui continue d'en faire une, et qui, même si elle a buté en playoff, bah, on voit qu'on a une dynamique, et elle a continué de s'améliorer en ajoutant des éléments à son effectif qui était déjà dense. On pense peut-être à Denver, qui était un champion il y a deux saisons, et qui a peut-être marqué le pas, mais il faut toujours se méfier d'eux. Cette saison, forcément, avec la saison régulière que font les Cavs, qui sont dans une continuité, ils ont changé de leur coach et ça change des choses, on le voit. Et bien là, ils s'affichent avec un des meilleurs bilans, si ce n'est le meilleur bilan de la ligue. Donc là, on a un rôle de contender légitime, de candidat déclaré pour faire tomber Boston dans la conférence Est. Les Knicks, on a voulu les mettre dans un rôle de contender parce qu'on a vu des stars, on a vu du bling-bling, on a vu une ambition affichée. Mais lorsqu'on a commencé à voir l'équipe jouer, ça a été plus compliqué. Et ça a été compliqué d'entrée de jeu en opening night où on n'a pas existé. Ça a été compliqué face à Cleveland, peut-être un peu moins sur le début de la saison et là depuis, oui. Les Knicks ont réussi à gagner des matchs qui étaient prenables à leur portée. On en a laissé sur la route aussi. Faut se laisser du temps avec cette équipe, mais il y a des éléments d'inquiétude dans le fond de jeu qu'on propose. Et dans le fond de jeu qu'on propose, et aussi dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Contre toutes ces équipes qui sont top de la ligue, les joueurs savaient l'affiche qui leur était proposée quand ils ont joué OKC, quand ils ont joué Cleveland récemment, quand ils ont rejoué Boston. Et les entames de match ne sont pas bonnes. L'état d'esprit n'est pas conquérant, n'est pas guerrier, n'est pas combatif. On subit, on est plutôt en retrait, on essaye de jouer propre, pas trop perdre de ballon, mais on n'est pas dans le rôle du chasseur, on est dans le rôle de la victime en fait, sur ces matchs-là. Ouais, mais Et. quand tu parles, c'est quoi les ambitions des Knicks alors cette année? C'est quoi? Ah bah Donc c'était ça. Non, mais. Non, de défier Boston en non, finale non. de conférence. Donc, ce sont les finales de conférence. C'est de défier Actuellement, Boston en finale de conférence. tu penses que. Ah bah non, non, non, non, non, non, non. Là, entre l'ambition, l'objectif c'est ça, c'est d'aller défier. L'année dernière, on finit deuxième, donc l'idée c'était de dire on finit dans le top 2 et on essaye de faire tomber le champion. Est-ce que tu trouves que L'ambition. l'effectif, est-ce que tu trouves que l'effectif est, est-ce que tu trouves que l'équipe est équilibrée? Est-ce que tu trouves que l'équipe est Ah cohérente? non! Ça fait un moment que je dis qu'il nous manque, on a un problème d'équilibre dans cette équipe. On a un problème avec cette association Mikal et OG, qui sont utilisés un peu à contre-emploi pour moi. On a un problème de densité, il nous manque un ailier sur le banc. Et puis après, est-ce que 4 c'est un poste 4 ou un poste 5? Moi j'ai pas de problème avec lui en poste 5, même s'il se fait ouvrir défensivement. C'est pas le souci. C'est pas le souci, c'est pas le sujet. Mais donc non, je pense qu'on a un problème d'équilibre. On a eu l'opportunité d'aller chercher 4 et donc de se débarrasser de Julius Randle. On a eu l'opportunité d'aller chercher Mikal. Et on a aussi prolongé à prix fort parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, parce qu'on ne voulait pas rester comme des cons avec un OG qui part ailleurs, OG Anunoby. Et heureusement qu'on a Jalen Brunson qui a fait un petit geste pour réduire son, un petit geste à 100 millions de dollars quand même, pour réduire son salaire. Mais oui, il y a peu de marge de manœuvre dans cette équipe et on a un assemblage qui est bancal en fait, qui va passer sur tout un tas d'équipes parce qu'on est quand même au-dessus de Indiana. Peut-être 2000 Milwaukee, attention, se méfier à eux s'il y a un réveil ou pas en playoff, faut voir ce que ça peut donner. On est au-dessus d'Atlanta ou d'Orlando ou que sais-je, mais on n'est pas au niveau de Boston. Et cette saison, on n'est pas au niveau de Cleveland, clairement pas. Donc entre l'ambition d'avoir assemblé des stars et puis le niveau réel et une fois sur le terrain, ce que ça donne, non, on n'est pas dans la dynamique qui va nous permettre d'atteindre cet objectif d'aller chercher une finale de conférence. Moi, je t'ai déjà, Après, je n'ai il peut pas, se passer des choses au printemps. j'en ai parlé en space la dernière fois. Moi, je me demande si Karl Anthony Towns s'inscrit dans la durée en fait à New York. Parce que je m'explique par rapport à cette pensée-là, c'est-à-dire que Julius Randle, on voulait pas le re-signer. Donc Il il était a plus dans pu. la... Il s'inscrivait plus dans la durée, je me suis rendu compte. Voilà, on avait fait le tour de la question avec lui, on avait bien vu où ça nous menait. Donc, on a trouvé, en fait, il lui restait un an de contrat. On a eu cette opportunité de là de faire Karl Anthony Towns. Après, on connaît la proximité qu'il y a entre Karl Anthony Towns et Léon Rose. Et on connaît aussi les qualités et les défauts du joueur qui est Oui, Karl Anthony non, Towns. mais outre ça, on a eu l'opportunité de faire Karl Anthony Towns, un joueur All-Star, un multiple All-Star comme Julius Randle. On connaît ses qualités, comme tu dis, on connaît ses défauts. On a accroché au wagon pour faire avaler la pilule dont À est long terme. DiVincenzo. Et donc, on a fait venir ce type-là qui, lui, débutait son contrat de 220 millions sur 5 ans. C'est-à-dire que là, on a un gars qui est sous contrat longue durée. On a échangé, Et donc un des top 5, top 10 salaires de la ligue. Donc Voilà. un gros contrat, voilà. Voilà. Donc, on a échangé un joueur au contrat expirant contre un joueur avec un contrat plus long. Donc, quelque part, ça nous laisse une marge de manœuvre un peu plus grande si on doit bouger, c'est-à-dire qu'on est moins pressé par le temps. Tu Oui, vois, ouais. cet été, Karl Anthony Towns a une trade value, je pense, assez importante. Au vu de sa Oui, parce que saison. c'est un... il fait tout de même une belle saison en termes de production statistique. Offensivement, Les oui. Knicks gagnent des matchs un peu avec lui aussi et grâce à Voilà. lui aussi. Mais Offensivement, on sait que défensivement, c'est pas... il va pas être moi, pris au NBA Defensive Team. je me dis qu'à un moment donné, si ce type-là, si tu veux, comme on l'a dit, hein, financièrement, au niveau du cap, ça va être très compliqué de pouvoir faire signer des free agents ou alors vraiment, même en, comment ça s'appelle, Alors, au on l'a vu même pour minimum, la deadline. Même pour voilà, la deadline, même au minimum sur le et marché du tout, buyout, limité, quoi. très compliqué de pouvoir faire signer des trucs. Donc il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait des mouvements. Il va falloir qu'il y ait des mecs qui partent. Donc est-ce que, hormis, je pense, Jalen Brunson et Josh Hart, je pense qu'ils sont intouchables. Je pense que personne d'autre n'est intouchable dans cette équipe. Et si tu dois faire des ajustements, ça passera obligatoirement par des trades parce que. Déjà, tu n'as plus de pick, t'en as plus en banque. T'en as Ah plus en banque pour oui, non. pouvoir. Non mais, Oui, en tout cas, ça sera pas. Ça si, sera, c'est important. C'est important des picks. Lorsque tu vas faire des échanges, si demain, par exemple. Non mais Pour si faire demain, un par gros exemple, move, ça va être compliqué parce qu'on a donné l'essentiel. On est si d'accord. demain, par exemple, t'as Giannis là, comme des fois ça se rumeur, il y a eu des rumeurs. Et imaginons que demain, t'as Giannis qui est libre, enfin qui est libre. Ça part en cacahuète et machin. Tu vas arriver, tu vas dire, tiens, on vous file 4 et Mikal, ça passe? Et ils vont te dire, ben, ouais, avec 5 tours, en fait. Ah ben, on les a Faut pas. Ah ben, ça passe pas. pas oublier que les Bucks, ils ont pas accepté le swap avec Luka. Non, mais c'est une fa... Prends pas Giannis. Allez, Booker, si tu veux. Prends Ah n'importe non, quel non, autre mais star. on voit beaucoup de fantasmes justement sur les réseaux sociaux où les gens pensent que Giannis il va débarquer à New York. Non, mais, C'est c'est pas. de l'ordre du fantasme, Non c'est de mais l'ordre du prends fantasme. oui non mais Prends pas Gianni. J'ai dit Gianni, c'est un exemple. J'aurais dit Tartampion si tu veux. Allez, joueur X, si ça te va. Joueur Tu dis X, un voilà. booker, un Ouais, joueur peut-être All-Star, voilà. mais Mais plus oublie, accessible. voilà, Plus oublie, accessible. voilà, oublie, Là, pardon. voilà, oublie Gianni, je sens que ça t'a perturbé. Oublie Non, non, Giannis. mais il faut le dire aux gens aussi, parce que les gens Oui, se non, mettent mais dans la tête, c'est une ah, si façon. Gianni s'est dispose sur cet été, C'est une façon de pourquoi on n'irait parler. pas dessus? J'ai dit, imaginons, c'est une façon de parler. Hein. On va dire joueur star X. Voilà, ok? Joueur star X. Se retrouve Bradley sur le marché. Donc, ce type-là, tu vas arriver, tu vas dire, allez, on vous propose Karl Anthony Towns et OG ou Karl Anthony Towns et Mikal. Ben, si t'amènes pas, au vu de la saison des deux autres, au vu des difficultés sur un côté du terrain flagrant de la part du pivot, si tu n'arrives pas, en fait, avec un minimum de 3 tours de draft en banque, en disant, et pas des trucs protégés comme on a pu récupérer, quoi, des trucs de protégés de Mathusalem qui vont se transformer en second tour. Si tu n'arrives pas avec un minimum de trucs en banque pour graisser la patte, on n'obtiendra rien. Et là, actuellement, le problème, c'est qu'on n'a plus Alors, rien. je serais pas aussi catégorique sur ça parce que on a vu, et des fois la NBA est surprenante, et on l'a vu sur le trade de Luka, qu'il y a des fois des trades qui se font sans y mettre non plus énormément de piques. Donc, je sais pas si les piques, l'absence de piques ou de piques de valeur pourrait jouer, pourrait limiter les Knicks sur un mouvement de ce type. Après, c'est vrai que si on retrade Cat alors qu'on a été le chercher. L'été dernier, c'est voilà, c'est plus la timeline qui me semble pas bonne. Et après, peu importe le joueur, oui, effectivement, Giannis, je pense qu'il faut que les gens arrêtent avec Giannis Onyx. Ça serait un move, un gros domino qui tomberait de la ligue dans la NBA. Mais je pense que ça ne se fera jamais, en fait. Ça se refera jamais parce que, un, les Knicks n'ont pas la capacité de le faire. Je pense pas que les Bucks seraient intéressés par récupérer un Cat OG. Et puis, même Cat OG, faut l'encaisser, le salaire en Mais question. Hein, après, je pense Parce que que OG, c'est gros salaire aussi, quoi. après, Donc. Léon Rose est un joueur qui connaît le basket, hein, c'est pas quelqu'un d'idiot. À la sortie de l'été 2020, quand il fait ses moves qui n'amènent à rien, il a rapidement compris qu'en fait ça ne marcherait pas. Donc ben, il a rétropédalé. Ouais. Donc il est arrivé Et à là, la chose différente. Et si là, l'objectif n'est pas atteint, ben, si qu'est-ce qu'il va l'objectif faire? d'un Qu'est-ce qu'il n'est va faire? pas. Si l'objectif d'un n'est pas atteint et de deux, si il voit quand même comment on joue, il voit qu'on prend des raclées contre les grosses teams, c'est pas ce qu'il a espéré lui en montant cette équipe. Il s'est pas dit, ben tiens, L'ambition versus regardez, la réalité, quoi. on monte une équipe avec OG et Mikal qui sont inexistants face à Boston ou Cleveland, outre les blessures ou quoi. Mais OG avant, il n'était pas blessé sur les premiers matchs contre Cleveland ou OKC et il s'est fait ouvrir en deux. Donc, tu vois, quelque part, il n'est pas idiot et il a su aussi à un moment donné s'adapter. Donc, je lui fais confiance là-dessus. Moi, là où par contre, je commence à avoir de plus en plus de doutes, c'est quant en fait à la capacité à notre coach, à Tom Thibodeau, à arriver à faire progresser cette équipe. Je pense que Tom Thibodeau est un entraîneur important dans un projet de reconstruction d'une équipe pour arriver à te remettre une team sur le droit chemin et qui va régulièrement en playoff, je pense qu'à un moment donné, on atteint ses limites lorsque on doit passer à un stade supérieur d'adaptation lors d'un match ou en tout cas lors de l'utilisation de certains joueurs. C'est en ça où j'étais pas d'accord et où j'avais proposé, peut-être que ça se fera à Alex de Trash Talk, qui lui en fait reproche à Tom Thibodeau uniquement la surutilisation de ses joueurs. Je pense qu'il y a autre chose. Moi, ce que je reproche à Tom Thibodeau, c'est sa non-faculté à arriver à s'adapter. J'ai trop l'impression qu'il subit les matchs et qu'il n'arrive pas en fait à un moment donné à inverser des tendances. Et arriver à s'ajuster et à voir autre chose. Il a toujours les mêmes mecs qu'il utilise, toujours les mêmes rotations au même moment. Lui, il va rentrer de telle minute à telle minute et lui de telle minute à telle minute. Je pense que c'est plus bon, c'est plus ça. Merci Tom pour tout ce que tu as fait, mais je pense que cet été, scoop, on ne sera pas champion. Et scoop, je pense qu'encore une fois, en demi, ça se termine. Et attention, il ne faut pas tomber contre une équipe de crève la dalle en premier tour, parce qu'on pourrait être aussi en difficulté. Ah. Donc, Ça sera je pas pense. forcément des playoffs faciles pour New York Ouais, sur le donc printemps, je c'est pense sûr. que ton petit Bodo, peut-être que ça passera aussi par ça, par un moment donné. Il y a les équipes, tu as des équipes qui ont pour passer un step, on m'a donné changer leur coaching staff et qui après derrière, quand tu regardes sur les, tu regardes les oh comment ça s'appelle, Oui, t'as Golden des exemples State, et des contre-exemples, Golden hein, bien State, sûr. tu vois Mark Jackson qui était là, Steve C'est Kerr est souvent arrivé, le cas ça, qui est présenté en disant, ouais, bah ou voilà, peut-être qu'on a besoin d'un l'équivalent d'un Steve Kerr derrière. ouais, Après, mais c'est vrai. tu regardes Budenholzer lorsqu'il arrive au Milwaukee Bucks, tu regardes lorsqu'Ime Udoka est parti et que c'est Joe Mazzulla qui est arrivé, tu vois ces équipes-là qui ont à un moment donné changé leur mec, ont eu une autre vision du jeu avec des coachs peut-être moins frileux à faire des choses et puis ça a été payant. Ouais, Donc t'as des exemples et des contre-exemples, parce que effectivement, on peut parler de Mike Budenholzer, quand il est parti après de Milwaukee, ça s'est pas forcément mieux passé avec ses il est successeurs. champion, Au c'est un jour. joueur, c'est un entraîneur champion, ce qui n'est pas Tom Oui, oui, oui. Thibodeau. Mais là aujourd'hui, où Budenholzer a remplacé Vogel à Phoenix, ça se passe pas mieux. Donc c'est souvent le coach qui saute parce que c'est un fusible facile. Après, il y a aussi les joueurs qui restent en place. Est-ce qu'un autre coach Non, mais tirerait plus ça de peut. l'effectif en place? Je sais pas. Ben peut-être. Mais Je en sais, tout cas, on n'en sait rien voyons en fait. que Peut-être pas, je sais pas. toi, t'es partant pour le conserver, lui. Encore une saison, ouais. Encore une saison. Encore. Oui, bien sûr, ouais. L'année prochaine. Oui. Oui. Parce que pour moi, et Ah ouais, c'est. t'aimes bien On souffrir, a. quoi. Non! C'est pas parce que effectivement, on n'est pas au niveau des champions, on n'est pas au niveau des contenders. Avec On ce n'est qu'il pas nous propose, contender. avec ce qu'il nous propose en coaching, ça te satisfait? Bah, en fait, il y a aussi les joueurs en place. Je sais pas quelle formule autre ils pourraient nous proposer avec les joueurs en place. C'est bien le souci. Il y a un déséquilibre dans l'effectif. Il y a trop Je d'ailiers sais alignés dans le pas, tu starting de peux. départ. Je sais pas, tu vois, tu peux. T'as d'autres joueurs, tu vois, qui pourraient utiliser. Tu sais qu'on a un déficit. Tu sais qu'on a un déficit en 3. Bah écoute, t'as un petit joueur là qui, je dis pas de lui filer 25 minutes, mais t'as drafté un petit joueur là Bah comme qui joue Dadier, oui, 10, on l'a vu sur du garbage sur Cleveland. il pourrait jouer une dizaine de minutes. Et tu vois, c'est un ça. Et tu vois, on en parlait avec une personne de la commu qui s'appelle Kevin et qui a totalement raison. Au début, j'étais quand même pas en désaccord avec lui, mais en fait, en y réfléchissant et tout ça, je suis complètement d'accord avec lui. Tu vois, des coachs qui arrivent à supprimer, tu vois, par exemple, Kenny Atkinson, ben, à Cleveland, ben, il arrive, tu vois, Sam Merrill. Sam Merrill. Oui, Sam non mais Merrill. Là, c'est. tu regardes Ty, comment il s'appelle? Ty Jérôme. Ty Jérôme. Jérôme, encore cette nuit, il a été énorme avec Cleveland. Pas Tu vois, mieux. des coachs qui arrivent, tu vois. Et est-ce que ces types-là, au Knicks, est-ce qu'ils joueraient? C'est à ça qu'il faut se poser la question. Pas Non, parce que. forcément. Et non, ils joueraient pas forcément, ils joueraient pas même. Ils les feraient Mais pas jouer. est-ce que le problème des Knicks sur les matchs qu'on perd systématiquement contre les grosses équipes, c'est uniquement parce qu'on fait pas assez jouer le banc? Moi, je Est-ce pense que c'est c'est parce que ça? qu'il Le manque problème est d'idées. beaucoup plus complexe. Moi, je Le pense problème est qu'il beaucoup manque plus d'idées. complexe. Moi, je pense qu'il manque d'idées. Moi, je Et pense que Tom après. Thibodeau manque d'idées. C'est son rôle. Il est payé pour ça. Il n'est pas payé Bah, pour il est mettre payé des pour faire mecs. gagner l'équipe. Il est payé Il pour n'est faire pas gagner payé. l'équipe Voilà. Et et. être sur le banc à crier Strong, Strong. Non. Ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, défense. Non. Il n'est pas payé à beugler. Il est payé à réfléchir. Sauf qu'en fait. Pour trouver des solutions pour faire gagner l'équipe. Ce Ouais, qui sauf qu'en n'a fait, pas su, ce qu'il n'arrive pas à c'est faire toujours avec les mêmes ses grosses équipes, schémas. quoi. Il nous pose toujours les mêmes schémas. Il nous pose toujours les mêmes rotations. Oui, mais à la Peu fois, on importe est à la l'adversité. moitié de la saison et c'est normal que le plan de jeu soit installé, que la hiérarchie soit installée. On Oui, n'est mais pas tu dans vois, on se disait. l'expérimentation à chaque rencontre. Rappelle-toi, on se disait en début de saison, ah, on fera un premier bilan après le break, Oui, voir bah. comment le jeu a évolué, tout ça. On y est. Et l'équipe a pas évolué dans son jeu. C'est-à-dire que, ouais, Ah non, clairement, bah, offensivement, on est on toujours se dit. top team. On est toujours top team offensive, on est top 4 et on est dernier tiers défensif. Et sans ça, on dit, ouais, Tom Thibodeau, c'est censé être un coach défensif. Ok, dans ce cas-là, il est archi nul puisqu'il est 20e. Mais Tom Thibodeau, c'est pas censé être un coach offensif. Et pour autant, son équipe, elle est dans l'élite, elle est 4e offensivement. Donc on vit aussi des fois avec des a priori, des clichés, on se dit, ah bah on a de l'ambition parce qu'on a recruté des stars, donc on va jouer le titre. Eh bah c'est pas aussi simple que ça. Parce que il faut que la sauce elle prenne, et on voit que la sauce elle prend pas comme il aurait fallu. L'ambition, l'objectif d'aller faire des finales de conférence, c'est mal embarqué, c'est compliqué parce qu'on voit qu'on bute systématiquement contre ces Ouais, mêmes donc c'est de équipes, la qu'on n'arrive pas à responsabilité de trouver. Nono. Ça va être une faute collective et une responsabilité collective. Les joueurs aussi ont leur part de responsabilité là-dedans. Et c'est en ça où je dis, moi, je jette pas tout de suite tout sur cette saison. Pour moi, c'est pas on atteint les finales de conf cette saison. Oui, c'est l'objectif. Si on ne l'atteint pas, là, effectivement, il n'y aura pas de deuxième chance. Mais moi, j'aimerais voir cette équipe encore l'année prochaine. Et là, oui, l'objectif, il sera clairement d'atteindre ces finales Je de ne sais conf. pas comment tu peux arriver à améliorer cette équipe. Ça va forcément passer par un trade ou ça force. Moi, le trade que Parce je que. vois, c'est plus le trade de Mitch Robinson. C'est plus le trade de Mitch Robinson. Qu'est-ce qu'on va C'est. récupérer de ça? Pas gagné non Peanuts. plus, mais. C'est 12 millions. C'est Peanuts, ça, ce que ça représente. Rechanger encore des grosses pièces, ça Non, veut mais dire tu vas aussi une phase avoir. d'adaptation, quoi. Mais tu n'auras rien en plus pour Mitchell Robinson. Joanie, ce type-là, ça fait un an qu'il a. Mais ce type-là, ça Je sais fait bien, un je an sais qu'il bien. n'a pas joué. Mais Ça en traîne termes de bien lui. contrat. C'est 12 Moi. millions. Mais Lorsqu'il en termes joue, c'est un des meilleurs. d'utilité. Lorsqu'il joue, ce Attends. type-là, c'est un des meilleurs rebondeurs offensifs et une dissuasion défensive. Mais le problème, c'est Mais. qu'il n'a pas joué depuis un Et moment. ouais. Et donc, toi, tu veux bouger un mec qui actuellement a une trade value zéro. Ben, autant le conserver. En sachant qu'en plus, son contrat est pas mauvais. Donc, c'est pas lui, en fait, qu'il faut bouger. Hein. Oui, mais Lui, lui peut intéresser, il peut représente rien. intéresser d'autres équipes et justement permettre de rééquilibrer le banc. C'est en ça où moi je me dis c'est plus le type de move qui serait à la Mais portée de justement. Leroz que d'aller bouger un 4, que d'aller bouger un Mikal, Mais que d'aller bouger un OG, quoi. tu voudrais rééquilibrer le banc en bougeant Mitchell Robinson, alors que justement, c'est un 5 qu'il nous faudrait pour une dissuasion défensive. Pour aller chercher quoi, en fait? Parce qu'on le voit, après Susa Chua, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais on voit aussi, C'est on limité. voit, le problème, c'est qu'il est un peu sous-dimensionné pour le poste 5. Donc, Pour poste 4, ça va mieux, quoi. tu veux bouger Mitchell Robinson, qui a sa trade value qui est au plus bas, avec un contrat qui n'est pas si mauvais quand c'est un joueur qui joue, pour aller chercher une rotation en 3, mais continuer finalement à conserver tes problèmes dans la peinture. Conserver mes problèmes dans la peinture, ça dépend en fait, non? Enfin, moi après, Ah si, si la question actuellement, on c'est a de 4, gros problèmes hein, dans la peinture. Hein. si, oui, d'accord, mais si la question c'est de mettre Karl-Anthony Towns au poste 4, non, j'y crois pas. Je crois pas à ce scénario-là en fait. Je crois pas à ce Pourquoi est-ce scénario-là parce que... qu'on a fait le choix de partir sur un pivot stretch 5 qui a ses grosses lacunes défensives, qui se fait ouvrir, qui est en retard, qui se prend des Ça a fautes, été qui dit, voilà. ça, publiquement, qu'on a fait le choix de 4 en 5? Ou Bah est-ce en qu'on a fait, mis 4... Non, mais où est-ce qu'on a mis on vient 4 en juste de 5 voir parce une qu'on... demi-saison Oui, où mais parce qu'on on n'a a joué pas comme ça Mitchell en fait. Robinson. Parce qu'on n'a pas Mitchell Robinson. Oui, d'accord, mais on a aussi un troisième bilan de la conférence S sans Mitchell Robinson. Oui, mais ce que je veux te... D'accord, ok, si on parle du bilan, si on parle du jeu en lui-même, Ah, du si on jeu en parle du lui-même, bah jeu, si on parle on a du un jeu, problème, moi. tu vois bien qu'il y a un gros problème défensif. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Un défenseur. Qu'est-ce qu'est Mitchell Robinson? Un défenseur. Et c'est quoi? C'est un défenseur pivot. Ah ben ça tombe bien. C'est justement là le problème. Donc moi je pense que 4 pour l'instant, peut-être jouer 5 parce qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire on a un Precious, ben voilà, c'est un joueur de rotation. Hugues Porty, on voit bien que pour l'instant c'est un Un rookie. rookie qui est encore trop vert. On Mais va pas lui aussi, demander ben, d'être. mais aussi Karl-Anthony Towns est un pivot. Bravo, ça j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est un pivot, mais en attendant, parce qu'on n'a pas d'autre pivot à pouvoir jouer à côté de lui. Et le souci, c'est qu'actuellement, on a trop de soucis défensifs, et notamment dans notre dissuasion dans la peinture. Et on le Oui. voit bien, Karl-Anthony Towns On a est aussi un si problème sur nos ailes, en fait. On a bon. un déséquilibre total, en fait, sur la. Ouais, mais si tu transposes un petit peu les problèmes. OG est pas un bon poste 4 pour moi. OG est pas un bon poste Et 4. ben voilà. Mikal, je le Et ben préférais au alors. poste 2 qu'au poste que Et 3. ben, Donc et ben alors, on a et ben Mitchell Robinson, Mitchell Robinson t'équilibre tout ça. Toi-même, tu viens Et de le Mitchell dire. Robinson, Mais hein? toi-même, tu viens de le Non. dire. Non, C'est-à-dire que je tu mets crois pas à Mitchell cette Robinson. association Ah. Mitch 4. Pourquoi? J'y crois pas. Bah j'y crois pas. Écoute, après on la verra On dit sûrement bien par que séquence. on dit bien que Mitchell Robinson, c'est le Gobert du pauvre. Oui. Ouais, ça a plutôt pas mal marché, Gobert 4, l'année La dernière. deuxième saison, la Ouais. deuxième saison. Ah, mais alors, si tu le poses pas Mais maintenant? bah parce qu'en fait aussi Mitch, on l'attend depuis un bon moment. Et Mitch, est-ce que Il Léon va Rose revenir. croit durablement en. Oui, bah C'est on Léon Rose espère. qui fait jouer, ton petit bodo. C'est Non Léon mais Rose qui... Léon Rose a voulu trade Mitch Robinson l'été dernier. Mais là, pour il est moi, là. Il s'inscrit Oui, mais plus. là, il est Il s'inscrit plus dans la continuité des Knicks, en Mais fait. là, il est là. Là, il est là. Ah bah, quand il va être là et comme on s'en est pas séparé, oui, il va falloir l'utiliser et voir si Mitchell Robinson, c'est l'élément qui rééquilibre la défense des Knicks. C'est l'élément qui va permettre de passer de top 20 défensif à top quoi, 15, 12. J'espère. Ça sera j'espère. Déjà mieux. Est-ce mais déjà, que on si verra une association avec 25 minutes de Mitch Robinson à côté de Karl Anthony Towns? Je ne pense pas que ça sera mais aussi marqué que ça, quoi. En tout cas, ça va te rééquilibrer la chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un Mitchell Robinson qui va avoir son rôle de dissuaseur de punch et de rebond offensif. Tu vas avoir un 4 qui va enfin pouvoir jouer comme il veut, c'est-à-dire au large, ce qu'il aime bien faire. Et de il moins le joue être... déjà au large. Et il de joue moins déjà au être... large. Oui. Et de moins être exposé défensivement, comme finalement Julius Randle était moins exposé parce qu'il jouait à côté d'un pivot défensif, soit Mitch, soit Hartenstein. Là, Karl Anthony Towns défendre sur un Tatum, il n'y arrivera pas plus, quoi. Même en étant décalé en 4, quoi. Mais il ne défendra pas sur Tatum, ce sera OG Anunobi. Sur les. Oui, il faut pas voir le 5 pour le 5, le 4 pour le 4, le 3 Donc, pour le 4, 3. Tu le fais défendre sur les extérieurs uniquement, quoi. Ça, c'est arrivé, hein, quand tu regardes certains. Ou alors, c'est pas forcément des match-up qui sont prédéfinis comme ça, mais quand tu regardes d'autres matchs NBA, ouais, en fait, souvent, le meilleur défenseur, il prend le meilleur attaquant, oui. Ouais. Donc, je vois pas ton petit Bodo se faire harakiri en disant allez, 4, tu vas défendre sur Tatum, hein, bon courage. Non. Mais non, quand même, soyons sérieux. C'est pas défini donc, comme ça. Et donc tu vas mettre 4 sur Pritchard, sur Jrue Holiday, non? Enfin, voilà, il y a aussi... Eh ben, tu mettras 4 sur qui tu pourras. Mais tu auras, quoi qu'il arrive, tu auras Brown qui sera pris par Mikal ou OG. Sur une opposition face aux Celtics, par exemple, 4, il a vocation à être sur le rable de Porzingis, quoi. Et on l'a vu hier... Porzingis était tout seul, un coup c'était Payne qui était sur Porzingis, un coup c'était Jalen Brunson qui était sur Porzingis. Ouais, mais et tu vois, donc au final... Est-ce que Mitch... Alors le retour de Mitch qui est attendu depuis très longtemps, c'est un élément important sur cette saison, parce qu'effectivement, défensivement, on prend l'eau contre ces grosses équipes trop régulièrement, même sur des petites équipes, on voit qu'il y a des errances défensives à plein de moments sur Karl Anthony Towns. Est-ce que Mitchell Robinson, il va colmater tout ça? Je sais pas, ben, je demande à voir. Moi, à voir aussi dans l'état de forme va... dans lequel il va revenir. Mais ça va être un élément clé de la saison. Après, moi, oui, la saison va se terminer avec Mitch. Moi, je pense qu'il va te l'équilibrer. Je pense, moi, qu'il va te l'équilibrer. C'est-à-dire que bah, tu vas te retrouver avec un Mitch en 5, un 4 en 4. Un OG, qui est son poste de prédilection, en 3. Parce qu'il faut arrêter de vouloir inventer des postes aux joueurs. OG a joué toute sa carrière à côté de Siakam. D'un coup, tu ne te dis pas, tiens, tu vas être poste 4 parce que tu as le corps d'un poste 4. Non, ah bah, ça marche, ça marche on pas le, comme on ça. Les... OG et Mikal, on les utilise à contre-emploi aujourd'hui. Ouais, ils sont voilà. Pas... Et moi, en fait, refaire sortir, pourquoi pas, soit un Mikal, soit un Hart en sortie de banc, et ben, avec de grosses minutes, avec, pour le coup, un vrai sixième homme, ce que... Et difficilement. Que McBride n'est pas. Voilà. On l'aime bien, il est valeureux, il donne du temps de jeu, il apporte de la défense, mais c'est pas un sixième homme ben, élite d'une équipe qui se veut contender, tu et vois. Ben, et ben avec un Mikal ou un Hart qui sort du banc, ça c'est un sixième homme qui a de la gueule. Et là. Je pense que Hart est plus dans la disposition mentale de se dire bon, ok, je vais faire ce qu'il faut pour l'équipe, je vais sortir du banc. Ceci dit, il apporte tellement, il colmate tellement, il oui, mais ça veut pas dire qu'il dans le 5 que du coup je pense qu'il serait mieux que Mikal ait justement ce rôle de sixième homme où vas-y, tu scores. mais voilà, en même temps, il y a eu gros move cet été pour aller chercher un sixième homme de ce type, je sais pas, voir si lui mais, est prêt mais, à ça. C'est vrai que Mikal, tu vois, en sortie de banc, en mode tiens, vas-y, fais ce que tu faisais à Brooklyn. Éclate-toi, c'est toi le patron de que tu vois, c'est toi le patron de Payne, de Deuce, de machin. Sauf qu'en fait, j'ai trop l'impression que souvent, c'est Deuce McBride qui prend les responsabilités et ça m'arrive régulièrement quand je regarde un match de me dire, mais c'est Deuce. Mikal, il s'efface quoi. Ouais. Prend les balles. C'est alors qu'il y a Mikal la base. C'est Deuce qui prend les shoots. C'est Deuce qui attaque. C'est Deuce qui prend les responsabilités. C'est ou c'est Mikal Bridges. Moi, Mikal Bridges. Aujourd'hui, si. Sur son mindset, quoi. Forcément, forcément. Michael, c'est un des débats qu'on a dans cette équipe, hein. Vous voyez, on a beaucoup de débats sur tout un tas de joueurs, sur le coaching, sur la construction de cette équipe. Michael, c'est le troisième scoreur de l'équipe. Tout de même, 17 points. Mais des fois, et on l'a vu typiquement sur le match face à Boston, il va falloir qu'on fasse la rétrospective des matchs quand même. Mais les matchs face à Boston, bah, il inscrit ses Oh, points en fin de match les quand jeux ça les ont compte plus, tués. quoi. Et Quand ça compte plus. Michael Bridges, son mois de mars, donc 9 Enfin, matchs, mars, février. son mois de février, pardon, son mois de février, d'accord? Ouais, il Son est mois de pas bon, février, il est donc pas c'est bon. 9 matchs, Et 35 minutes All-Star de break, quoi. moyenne, d'accord? 13,8 points, 3,4 assists, 3,2 rebonds à 32% à 3 points. Voilà. Avec une Non, plus, c'est pas. avec un plus-minus à moins 1,4. Là, on n'en a pas pour notre argent, et je parle pas des 5 tours de draft, machin, parce que oui, ok, il y a eu tout un tas de tours de draft, il y a Bojan qui est parti, Shake Il y Milton. a eu un investissement. Il y a eu un investissement sur Sur la lui. Il n'y a longueur, pas ouais. pour l'instant le retour sur investissement. Ah, c'est. Et Voilà. au-delà des stats purs, dans les matchs, il pèse pas. Il Il pèse pas. pèse. Alors. Il est pas le relais de Brunson quand il le Donc, faudrait, ou de 4 quand il faudrait. tu parlais. Il Bon, pèse pas suffisamment. après, bon, on peut faire une rétrospective comme ça à la volée. Il a pesé contre les Bulls avec ses deux contres en fin de match. Oui. Mais Mais ça offensivement, veut dire qu'on est. Alors, je vais lancer justement les vidéos des offensivement, matchs. il est trop. Effectivement, sur quelques flashs. Sur quelques flashs. Comme à Et Noël, il fait un offensivement, flash à il est Noël. trop. Offensivement, il est trop. Offensivement, il est trop absent. Offensivement, en fait, moi je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu de lui en fait. C'est-à-dire que je n'en attendais plus que OG Anunoby. OG Anunoby, on sait que c'est un défenseur et qu'offensivement, voilà, même si on l'a surpayé. Mikal Bridges, quand on le fait venir, moi je garde toujours en tête ce type qui pouvait être une troisième option importante, tu vois, avec une vingtaine de points amenés par match, de la défense, tout ça. Et c'est en ça, tu vois, aussi où j'en reviens sur Tom Thibodeau, où je me dis, est-ce que il utilise convenablement ce joueur? Comment ce joueur peut devenir autant fantomatique par rapport à ce qu'il était auparavant? Comment ce joueur a pu perdre ce mojo? Maintenant, en fait, limite, il est utilisé dans un corner. Moi, ce qui me gonfle, quand je vois McBride prendre les décisions, où c'est lui qui devrait être le patron de ce moment-là. Et c'est Ouais, ça. quand Brunson ou Towns sont sur la touche et que Mikal se retrouve dans la line-up, ouais, ça doit être lui le patron de la line-up, quoi. Il l'est pas. Non, il est pas, non. Non, il est pas. Alors après, les stats sont pas minables non plus, hein. On parle d'un joueur à 17 minutes, il fait un gros temps de jeu, certes, machin, il a pas loupé de match, formidable. Mais la stat aussi là qui est ressortie là sur les derniers matchs, un rebond pris entre le match face aux Cavs et face à Boston, quoi. un rebond. C'est un ailier qui a les bras plutôt longs, qui devrait être aussi dans l'agression. On a aussi dans Mikal un joueur qui un peu est trahi par son body language, il est toujours souriant, tout ça. Il a l'air de kiffer la vie, et tant mieux pour lui, c'est bien. C'est bien de pas avoir non plus des Oui, joueurs qui font la gueule en permanence. il est On s'est gentil, il plaint est mignon, quoi. du body language de Julius Randle qui était toujours fermé, toujours bougon. Bon, ok. Mais ceci dit, il dégage quand même une image de softitude, de manque d'intensité. Alors c'est dur d'être joueur NBA, ça veut pas dire qu'il est soft non plus. Mais voilà, on sent pas non plus le joueur qui va dans l'agression, qui va. Moi, je me Bah, c'est ça demande qui. s'il a en fait sa place. Je mets pas en doute sa place dans l'effectif, dans l'équipe, hein. Mais si son jeu, il a sa place dans cette équipe-là. C'est en ça, en fait, moi, je Est-ce m'interroge qu'il a comment beaucoup. dire, les marges de manœuvre qui lui permettent de briller, d'exploiter son potentiel Est-ce qu'on dans le cette met, équipe, voilà, dans la façon dont on l'utilise? est-ce qu'on le met dans les bonnes dispositions, ce type-là? Mais et surtout, est-ce que le jeu de l'équipe est fait pour ce type-là? Et pour Moi, je le l'instant, verrais tellement plus au poste 2 qu'au poste 3. le truc, c'est que tu vois, je te dirais, moi, je le verrais bien justement sorti du banc et à ce moment-là, amené, tu vois, sous 30, 33 minutes, amener du gros jeu. Mais le problème, c'est que, comme je viens de te dire, en fait, je pense que maintenant, on est à 25 matchs de la fin de la saison. Ce qu'on a, Non, le plan est installé, la hiérarchie est installée, les joueurs savent comment ils vont être utilisés. on en a assez vu de lui. Et en fait, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de se faire violence. Ouais, comme tu dis, des fois il va y avoir des coups de chaud, il va te marquer un bon nombre de points, mais C'est finalement assez rare. C'est la troisième option offensive, mais c'est très rare. tu Tu sais, termines meilleur scoreur de l'équipe. regarde, on sait, ça fait depuis la pré-saison en fait qu'on a une interrogation sur lui. Tu te rappelles, la pré-saison, même Josh Hart était monté au créneau en disant il va rentrer ses tirs, Ouais, machin, tout ça. Bon. il retravaille son shoot et tout. Bon, Et du au calme. final. Et à la fois, moi je suis d'accord sur le côté, il faut un temps d'adaptation. Les joueurs, tu les déplaces pas et boum, ça clique tout de suite. Il y en a, oui, il y en a pour lesquels ça prend plus de temps. Mais voilà, on le sent perdu par moment. On le sent dépassé défensivement aussi. Alors il est beaucoup utilisé. C'est aujourd'hui, alors qu'on regarde, le deuxième temps de jeu de la NBA. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Tyrese Maxey est un petit peu au-dessus. Bon, donc il a un gros volume de jeu, un gros volume d'utilisation. Mais sur ce gros volume d'utilisation, est-ce qu'il pèse autant que ça dans la rencontre? Oui, sur le match face à Chicago, il va mettre le contre décisif sur Vucevic. Formidable. Ok, super. Ça coûte un highlight. Ça nous ramène une victoire au final. Mais parce qu'on se met dans de bonnes conditions bien foireuses pour devoir jouer ce match en prolongation, quoi. Mais il y a eu des pertes de balles calamiteuses de sa part. Ouais, Mikal, ça fait partie de mes interrogations de la saison. Ça fait partie de mes interrogations de la saison. Là, Autant sur Kat, JB et même Josh, ils nous apportent ce qu'on attendait d'eux en fait. Mikal, est-ce qu'il nous apporte vraiment ce qu'on attendait de lui? OG, est-ce qu'il nous apporte vraiment ce qu'on attendait de lui? Ouais, je... tu vois, des fois j'aime bien regarder un petit peu cette stat, et tu vois là, cette année, son PER est en dessous des 15. C'est-à-dire en dessous de la moyenne. Jusqu'à présent, il avait été toujours à 15, voire au-dessus. Sans avoir toujours été un joueur majeur. Hein, quand il était à Phoenix, c'était un lieutenant. Mais là, Alors il y a le prix, il y a le prix. Et les gens remettent toujours, ah, on a donné 5 tours de draft. Oui, on a investi, on a été le chercher, il fallait payer un prix qui était fort, peut-être trop fort. Peut-être qu'à 4 tours de draft, on dirait quoi? À 3, je sais pas. Mais au final, moi, peu m'importe le prix, à un moment donné, il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il produit sur le terrain? OG, c'est pareil, on l'a payé très fort. Non, mais tu sais, il y a eu un investissement. Toi, demain, tu vas acheter, on va te vendre quelque chose, on va te vendre une super bagnole. On va te Le dire, rapport qualité-prix, tu l'apprécies différemment, on mais... va te dire, tiens, regarde cette voiture. Tu vas voir, tiens, elle coûte 25 000 balles. Mais tu vas voir, franchement, c'est super. Tu vas en avoir pour ton argent. Confort, tenue de route, toute option. Tu vas te régaler sur tes voyages. Tu vas monter dans la bagnole. Là, tu vas voir que finalement, en fait, la clim est merde. Le siège, ouais, bon, il est sympa, mais finalement, c'est pas le truc, tu vois, qui transcende. Hein, tu aurais acheté une voiture à 10 000, tu aurais eu le même confort, tu vois. Tu vas te dire, bah, en fait, je me suis fait un peu piner, quoi, tu vois. Et tu l'as payé fort parce que c'est une BM, parce que c'est une Merco, Et quoi. t'as payé la marque, voilà, comme un télé, Voilà. comme un Apple. T'as payé surtout la marque, alors que finalement, tu pouvais avoir la même chose, ou peut-être une qualité un tout petit peu moins, mais tu pouvais avoir la même chose à beaucoup moins cher ailleurs. Et ça, en fait, si tu veux, où la pilule, elle a du mal à passer, c'est-à-dire que OG, on se focus sur son contrat et on se dit, putain, mais ce type-là, il prend 43 millions pour ça. Et après, on regarde Mikal et on se dit, putain, mais ce type-là, il prend 5 tours, il prend 5 pics pour ça. Et forcément qu'on est déçu. Et forcément qu'en fait aussi on se raccroche au prix parce que ben, les joueurs ont une valeur. Et forcément qu'en fait on se dit, pourquoi est-ce qu'on a dit putain JB, gros coup. Parce qu'on l'a eu gratos. On Ouais, l'a. mais au-delà de ça, On l'a. il performe sur le terrain, il fait gagner l'équipe. Et il performe sur le terrain. Et rapidement, quand les gens au départ disent ouais, super, 20 millions sur un mec qui est pas le star. Voilà, ben, 3 ans plus tard, le mec il est double All-Star Ouais, et il c'est un est des pas meilleurs bon. rapports qualité-prix. Ouais. Voilà. Mais des meilleurs rapports qualité-prix. Mais Josh Hart, quand il a été prolongé, on s'est dit, ah, peut-être un peu. Au final, non, on porte à son contrat. Et il a su répondre aux attentes. Et Mais là, en fait, parce que, en gros, les performances sur le terrain éclipsent tout le reste. Il n'y a plus de discussion sur le contrat de JB, il n'y a pas de discussion sur le contrat de Josh Hart. Est-ce qu'il y a des discussions sur le contrat de Karl Anthony Towns? On sait qu'il est lourd, qu'il pèse. Ouais, ça laisse moins. Ah si, ça fait. Allez, quand même. On sait que c'est lourd, que ça pèse et que ça laisse moins de marge de manœuvre. Ceci dit, on attendrait quoi de plus en termes de production pure statistique? Oui, on préférait un joueur qui défend super bien. D'accord. Mais en termes de points, le 4, il nous fait des cartons quand il a besoin d'en faire. Il gobe des rebonds comme c'est pas possible. En même temps, les autres le font pas. Je sais que je vais me faire insulter, mais c'est quoi la différence dans le jeu avec Julius Randle? C'est pas le même profil de joueur. Mais tu me dis, il fait des cartons, il amène des points. Qu'est-ce que faisait Julius Randle? Il a un meilleur passing game, peut-être. Julius Randle faisait des passes, c'est pas qu'il en faisait pas. Il a fait quand même pas mal de triple-double. Mais c'est un pavé dans la mare que je jette quand je dis ça. Je dis juste que. Il fait des cartons. L'année prochaine, il est payé 53 millions. Karl Anthony Towns. Oui, c'est un des top 5 ou top 10 salaire de la ligue. Ok, il amène 24 points, il prend 12 rebonds. D'accord. Ok. Voilà. Défensivement, il se fait éclater. 53 millions pour lui. Il a 13 rebonds, mais 13-4. Mais après, défensivement, il se fait éclater. L'année prochaine, il prend 40 millions pour un mec qui va nous amener ses 14-15 points et qui n'arrive pas à arrêter et qui se fait ouvrir par un moindre ailier qui est un peu fort. Moi, je sais pas, moi. Je suis d'accord pour dire pourquoi pas, machin. Non, mais même s'il était payé, moins cher, OG, tu vois, si on l'avait prolongé à 30 millions. Oui, mais le souci... Au final, sur le terrain, maintenant, peu importe le prix qu'on l'a payé, oui, on l'a payé cher et ça laisse moins de marge de manœuvre. Mais c'est éventuellement, ça donne des opportunités pour des trades ou pas l'été. Mais là, maintenant, où on parle sur le terrain, peu importe le prix qu'il a été payé, est-ce qu'il performe sur le terrain? Non, pas suffisamment. Ben ouais, mais comme tu viens de dire, le problème c'est que à ce prix-là, ça nous enlève de la flexibilité pour s'adapter. Ouais. Et comme tu dis aussi, c'est que ce sont des gros contrats maintenant, compliqués à bouger. Imagine, faut lourder OG, mais faut attacher Josh Hart à côté. Ben le problème c'est ça. Les équipes seront peut-être gourmandes en disant bah ouais, on a vu ce que vous avez fait pour Julius, vous avez mis un petit dompté, bah vas-y, mettez-nous un petit Josh Hart. Ah ouais, mais non. Ah bon, bah dans ce cas-là on vous le prend pas. Écoute JB, je suis désolé, mais ton pote de podcast, vous allez arrêter quoi. Ça va compliquer l'affaire à l'avenir, c'est certain. À un moment, quand tu as de l'ambition, tu es obligé aussi de rentrer dans des grilles de salaire, dans des contrats lourds, parce que voilà, c'est très rare les équipes qui arrivent à être contenders réels avec des effectifs construits que à partir de petits salaires ou de bons coups à la draft. Il y en a, mais ça dure pas non plus longtemps parce qu'il faut prolonger les bons joueurs quand les résultats sont là. Joe Mikal, il y en a un de trop. Pour moi, il y en a un de trop. Peut-être pour en faire partir un. Peut-être qu'il faudra lâcher un Josh. Ça serait bien dommage. Je me demande, tu vois, si on a bougé. Un Mitch à côté. Si on a bougé pour Mikal, si tu vois, je pense qu'on a vraiment transpiré en se disant putain, on va perdre. OG. On va perdre OG. Moi, cet été, quand j'ai vu l'arrivée de Mikal, je me suis dit ah bah tiens, OG va partir et on a trouvé entre guillemets son remplaçant quoi. Et ouais, et le problème c'est que t'avais quand même donné Rudy Barrett et Emmanuel Quickly pour lui. Et le front office aussi, je peux comprendre. Quelque part, de se dire, attends, merde, on n'a pas perdu RGIQ pour 6 mois d'OG Anunoby, quoi. Donc, il avait été valuable quand il arrivait, OG. Ouais. On se rappelle du mois de janvier avec tout un tas de statistiques qui montraient que les Knicks gagnaient plus de matchs depuis l'arrivée d'OG. Et puis son mois de novembre, était pas dégueu. Était pas mal. Cette saison, au moins, le point positif pour OG, c'est qu'il y a eu peu de blessures. Il y en a une, là, juste avant le All-Star Break, qui est revenu. On verra ce que ça dure, mais il a fait un début de saison relativement plein en termes de présence. Après, il y a eu un bon démarrage et il est rentré dans le rang. Moi, sur OG, voilà, c'est ce que je dis, il est utilisé à contre-emploi où je vois pas de présence au rebond. Et ça aussi, on perd des matchs au rebond. Les batailles au rebond qu'on perd contre Cleveland et contre Boston, eh ben, c'est des clés du match. C'est des clés du match. Donc, et tu vois, c'est un sac en mettant un rebondeur, ça c'est pas mauvais. Est-ce que Mitch, ça sera la solution On verra, En parce tout que de toute façon, il cas, va revenir. on n'a pas On verra 400 sur guerres. combien de matchs. On n'a On pas verra. 400 solutions de toute façon. On n'a pas. Non, il va falloir bricoler avec les moyens du bord, comme on dit. Mitch va revenir à un moment, on le tease. D'ailleurs, il est sur la miniature de cette, la vignette de cette Charania a vidéo, c'est dit parce qu'on que l'attend, normalement, il forcément. devrait revenir la semaine prochaine. Donc la semaine Mais prochaine, on dans devrait. quel état de forme? Attendons de voir comment ça va se remettre en place. Des matchs test contre les Cavs et les Celtics, il va en rester quelques-uns. Deux contre les Cavs, un contre les Celtics. Ça va être au mois d'avril. Donc d'ici là, est-ce que le Mitch Robinson, ça va être le game changer d'Enix vis-à-vis de la défense? Il va apporter, puisque c'est de toute façon son domaine de prédilection à défense. On l'attend pas en attaque, il mettra quelques alley-oops de temps en temps. Et en ses francs, s'il s'y retrouve sur la ligne, bon, on verra s'il a travaillé, s'il a bossé ce secteur du jeu pendant sa convalescence. Je me fais pas trop Voilà, d'illusions là-dessus, hein, tu as quand même mais donné la réponse. est-ce que l'association sur le terrain, dans le jeu, entre Jalen Brunson et Kat, on va pouvoir la retrouver entre un Jalen Brunson et un Mitch Robinson? C'était pas vraiment le cas les fois précédentes, les saisons passées, et pourtant ils ont eu 2 saisons pour jouer ensemble. Donc à voir, ça peut changer des choses. Est-ce que ça va et pour autant être la clé de la réussite de cette saison et du printemps? On verra. Voilà, moi je pense que Mitchell Robinson, ça s'inscrit pas sur le long terme parce qu'il y a eu voilà une tentative de le trade l'été dernier. On voit que l'équipe arrive à plus ou moins performer, pas au niveau des équipes élites, et c'est en ça où la finale de conf, elle semble compliquée à aller atteindre. Après, il peut se passer encore des choses. Est-ce qu'il y aura un déclic? Est-ce Pour que Mitch l'instant, on Robinson n'est pas encore à va l'été. redresser la barre? Pour l'instant, on n'est pas encore à l'été. Pour l'instant, Non. lui, il va être là. Il va être disponible. Il a des qualités qui nous manquent cruellement. Ça, c'est indéniable. Et Est-ce que ça sera des suffisant? qualités. Est-ce que ça sera Mais suffisant? c'est surtout, comment on va l'utiliser, Tom Thibodeau, quand il va revenir? Moi, c'est ça, en fait. C'est ça, moi, enfin, je vais être curieux de voir. Ah bah, C'est. ça va être un Ça facteur d'attention. va être de voir. Comment Tom Thibodeau va l'utiliser? Est-ce qu'il va y avoir des associations avec du gros temps de jeu entre lui et Karl-Anthony Towns? Ou est-ce que ce sera Mitch pour Towns? Et c'est en ça, moi, où je vais être curieux à voir. Ça va prendre du temps sûrement, hein. Ça va être progressif. Mais Je limite ma petite. Bah, et tu sais, ça va être progressif. il n'y a pas beaucoup de temps d'ici la fin Regarde de la l'année saison dernière régulière. quand il a été blessé et quand il est revenu, il a tout de suite, il a tout. Alors, c'était Hartenstein le titulaire, mais il a eu tout de suite du temps de jeu. Il a eu tout de suite du temps de jeu l'année dernière. Quand il est Ouais, mais revenu de il avait pas loupé. Là, on est presque à 11 mois Oui, sans jouer. mais non mais tu connais Thibodeau. Si non mais on parle pas de n'importe quel coach. Tu connais Thibodeau. Si et on te dit qu'il est apte. Est-ce qu'il va être déclaré en mode minute restreinte au Pour début? lui, On verra, on verra. si tu dis à Thibodeau, le gars est apte, pour lui, il est apte. Donc, s'il Oui. est apte, il est apte à jouer le temps qu'il va vouloir lui donner à jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le réintroduire dans la rotation. Ça, il s'en bat, là. Mitch en tant que tel, est-ce qu'il va avoir le cardio qui va fumer assez vite? Parce que voilà, les entraînements c'est bien, c'est pas l'intensité de match NBA. Ouais, mais les mecs. Heureusement, il va pouvoir rejouer en régulière et pas en playoff direct. Mais voilà, on a hâte C'est de pas le voir à ta. l'œuf pour voir comment il revient. Mitchell Robinson, c'est pas ta prépa, tu vois, en basket loisir de mi-août. Hein. Non mais Là, d'accord, mais ceci on parle dit. de mecs qui ont des batteries de coach à côté, qui font que ça 24-24. Là, j'ai toujours un doute moi sur l'implication de Mitch, mais on verra. On verra en fait à quel rythme il peut reprendre, comment il se réintroduit dans ses rotations, quelle place il occupe, sortie de banc, starting 5, combien de minutes avec qui. On va voir tout ça, forcément, ça va être un facteur d'attention. Ce que je disais, il y aura 2 matchs test, il nous en reste 3 face à Cleveland et Boston. On se rappelle, et on a tous en souvenir, la très belle série de Mitch Robinson face aux Cavs, qui avait mangé Mobley, qui avait Ah, mangé c'est Allen. pas Et pareil. ça, Hein. en ça, ça avait été une agréable surprise. Est-ce qu'il a encore ça dans le réservoir? Est-ce qu'il a encore ces capacités-là? Bah, on aura au moins 2 matchs de régulière pour pouvoir le jauger, pour pouvoir le Ouais, tester. je pense qu'il faut pas. Il faut pas. Je pense que ça, c'était bien sur le moment. C'était il y a 2 ans, c'était bien sur le moment. C'est plus les mêmes équipes. À la fois Mobley il progresse, est-ce C'est que plus Mitch le a même. progressé ou pas? Et voilà, c'est plus les mêmes équipes, c'est plus le même coach. Mobley est désormais un All-Star. C'est désormais un gros joueur. C'est plus pareil. Hein. Il faut pas se dire, ah c'est bon, Il C'est le revient. Dudley Stopper, on Allez, lui enlève Stopper. rappelez-vous les playoffs 2020, C'est en 23. ça, Non. c'est en ça où on met beaucoup d'attentes sur un retour de Mitch. On aurait préféré que ça se fasse avant, quoi, clairement, depuis le temps qu'on l'attend. Mais voilà, attention de ne pas mettre non plus des attentes trop importantes sur un retour de Mitch qui va rectifier la défense des Knicks. C'est voilà, c'est encore un sujet complexe et épineux qui va rythmer la fin de cette saison régulière. Et Dieu sait s'il y a des attentes et si une sortie prématurée en playoff. Qu'est-ce que ça veut dire une sortie prématurée en playoff? Ça, chacun se fera sa définition de la chose. Est-ce que ça pourra avoir des effets sur l'avenir à court ou moyen terme pour l'équipe, le staff et tout ça? Très rapidement, la rétro, bon, des 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. C'est positif, si on le dit comme ça. Si on regarde la deuxième semaine, c'est une victoire, 2 défaites. Des prolongations en veux-tu, en voilà, il y en a eu 2. Il y en a eu une contre les Atlanta Hawks. Ça avait été compliqué de gagner avant de partir au All-Star Break. Les Hawks, qui pour autant n'étaient plus l'équipe avec un DeAndre Hunter ou Bogdanovic. On chie notre fin de match. On chie notre fin de match avec cette Ça se passe au remise. Garden et on se. Et on. Ouais, La on joue avec le remise feu. de 4 pour Mikal qui Mical. perd le ballon, Ouais. qui... alors que c'était une... Non, c'est une victoire dans le temps et Qui on devait se faire, voilà, sans une grosse marge, mais on se fait met une n'importe quoi. pression et. Ah ouais. Donc bon. Victoire au forceps et avec une double sortie avec Karl-Anthony Towns à 40 points. C'est assez rare pour le mentionner, enfin c'est rare dans l'histoire de la Ligue et de la Knicks, mais 2 matchs de suite à 40 puis 44 points. Voilà, Karl-Anthony Towns avait su se démener, mais voilà, des victoires tirées au forceps. C'était des matchs où il n'y avait pas OG Anunoby, on avait un Precious Achiuwa qui se retrouvait en poste 4 à côté de Karl-Anthony Towns. Du bon et du bois moins bon sur ces 2 matchs pour Precious. On sent aussi que c'est un joueur valeureux, mais pour lequel, bah voilà, faut pas avoir des attentes non plus trop élevées. Precious Achiuwa, 33 minutes, 9 points, 12 rebonds tout de même sur le match face à Indiana. Et le deuxième match, je crois que c'était un peu plus rentré dans le rang. Non, pas du tout. 26 points, 8 rebonds en 42 minutes. Bon, forcément, une prolongation, ça tire les minutes vers le haut. Mais sur des matchs où, voilà, typiquement, le troisième meilleur marqueur des Knicks sur la rencontre face aux Hawks, c'est Precious Achiuwa. Mikal, il est que à 11 points. Il est derrière Josh Hart, derrière Karl-Anthony Towns, derrière JB, quoi. Donc on attend forcément une implication un peu plus forte face à des équipes supposées moyennes. Mikal devrait pouvoir mieux tirer parti de son utilisation et ça n'avait pas été le cas. Et ça avait été un Mikal très peu offensif. 5 sur 8 au shoot et 1 sur 2 à 3 points en 43 minutes. Mikal. Attends, Non, pique de toi, quoi. c'est pas bon, c'est pas bon, c'est Donc pas c'est en ça où des fois on se. Voilà. On bon. a des attentes. Et surtout, Qui sont pas là, bonnes. c'est surtout après le match. Je trouve que le match d'hier a été assez révélateur en fait contre Boston. Alors C'est pour finir sur le match Boston, bon ça alors, démarre mal et ça. Un mais comeback dans le troisième, le mais combat, voilà. le combat qui se fait avec lui sur le banc quoi. En plus, et c'est McBride qui est aligné. Donc là, à un moment, je me suis dit, hey, est-ce que Mikal il s'est blessé? Est-ce qu'on va le revoir? Et non, il le remet plus tard. Il était juste pas bon, quoi. Mais alors que McBride n'est pas non plus exceptionnel, si on regarde les lignes de stats, juste, McBride, il n'est pas en réussite sur ce match. Voilà, c'est en ça où on se dit, des fois, est-ce que c'est vraiment Ouais, mais notre sixième homme? je trouve que défensivement. Parce que McBride, c'est quand même 2 points, 1 sur Ouais, 7, 0 mais. sur 4. Mais pour autant, quand le comeback a lieu, quand il y a de la défense. Et C'est ouais. avec cette line-up-là que ça a marché, quoi. Et ouais. Et tu sais Alors, il y que avait d'ailleurs. peut-être Et un tu sais peu de que. flottement de Non, Boston mais aussi, tu sais quoi. que d'ailleurs, il y a donc, un suiveur des Knicks qui s'appelle Tommy Beer, qui a toujours des bonnes stats, des bonnes. Il disait que la ligne Brunson, McBride, Hart, OG, Karl-Anthony Towns, lorsqu'elle joue, d'accord? Sur un panel donc de 100 possessions, elle mène les équipes de 29 points. C'est une des Ouais. meilleures line-up en fait des Knicks. Et paradoxalement, en fait, cette line-up n'a joué que 60 minutes. Et hier, c'est cette line-up qui fait le push et qui revient Mais à 10, 10 points, 10 points d'écart avec Boston. C'est cette et c'est équipe. pas et Et c'est pas un hasard, en fait, cette line-up-là, c'est également la même que Tom Thibodeau a utilisée sur le précédent blowout face à Boston. Bon, pour le coup, on n'avait pas recollé, ça se passait au Garden et Tatum avait été royal. Mais du coup, il avait encore utilisé un Miles Bridges au retour des vestiaires et non pas Mikal. Un Miles Bridges, oh là là. Un Miles McBride, je les mixe. En fait, l'idéal, ça serait d'avoir un mix des deux, une fusion des deux joueurs. Mais ouais, il avait utilisé Deuce et non pas Mikal en sortie de vestiaire. Ça m'avait un peu surpris. Je me suis dit, tiens, il tente le coup. Et effectivement, ça marche mieux. Donc la prochaine fois que tu joues Boston, d'entrée de jeu, tu nous fous Mikal sur le banc, tu nous mets Deuce dans le starting. Et puis voilà. Parce qu'on rentre mal dans les matchs et on court sur le score derrière. Beaucoup le réclament, ça. Deuce McBride dans le 5. Hein. Bah, là, en fait, on voit contre Boston que ça marche mieux. Alors, est-ce que ça marche mieux sur tous les matchs? Et si on fait une série en 5 ouais, mais là, matchs, ouais, mais là ça demanderait la clé. Là, ça demanderait un ajustement du coach. Et là, peut-être que t'en demandes trop. Bah, il le fait pendant le match. En match. Est-ce qu'il, oui, est-ce qu'il il est... le fait. Il modifie pas, il modifie pas son starting five. Oui, mais il le fait au retour des vestiaires, alors que d'habitude, au retour des vestiaires, on met tout le monde, remet les titulaires, et voilà quoi. Et il le fait sur les autres matchs. Donc là, il le fait sur ces matchs-là parce qu'il tente le coup, il voit que ça marche mieux. Effectivement, la défense de Deuce apporte plus sur les lignes arrière et sur lequel bah, Boston joue beaucoup. Donc, ouais. Il y a quelques ajustements, on en trouve peu. Au final, c'est pas des ajustements qui font gagner parce que les Knicks c'était trop à la rue. On recolle à moins 4, ça donne un semblant d'espoir. Oh, après, à moins 21 contre Boston à la pause. Non, mais après, le moins 4, il est très bien. C'est bien pour la forme, pour le côté romantique de on a recollé. Et oui, il y a eu une réaction des Knicks à ce moment-là. Jalen Brunson et même Karl-Anthony Towns, ils font pas un bon début de première mi-temps. Clairement, les leaders qui doivent porter l'équipe aussi, bah, sont pas vraiment au rendez-vous à ce moment-là. Ils se réveillent en seconde, et tant mieux. Et Brunson est aussi le leader qui permet de recoller dans le troisième quart. Mais voilà, c'est l'entame de match. On doit être plus agressif, on doit être plus rentre dedans, on doit être plus maître du jeu que subir le jeu, quoi. Et face à ces équipes qu'ont été le Thunder, qu'ont été Cleveland et qu'ont été Boston, on subit quoi, on est la victime, on est le punching ball préféré de ces équipes là. Il va falloir que ça cesse. Bon allez, grosse rétro, gros débat, vous l'avez vu. Tout de même, on va quand même sortir de cette rétro avec un joueur de la quinzaine. Pas évident parce qu'on reste sur deux notes très amères, très salées avec ces deux blowouts, ces deux défaites face à des équipes et des matchs test. On attendait de se tester, de voir à quel niveau on peut placer les Knicks. Bah, clairement, on les place en troisième position de la conférence Est. Et ça sera peut-être la fin de l'histoire, même en playoff. Ça sera voilà, une sortie au second tour face à Cleveland ou face à Boston. Ouais, de toute façon, tu joueras... On s'y prépare en tout cas. Tu joueras une des deux équipes en demi. Donc, Sauf surprise que les Knicks ne passent pas un premier tour. Sauf surprise que Cleveland ou Boston se fassent taper au premier tour. Bon, il se passe des surprises en NBA, mais on y croit peu. On y croit peu. Je crois que c'est 55% de chance que les Knicks tombent sur Boston au playoff. Ouais. Vaut peut-être mieux se faire sweeper en régulière qu'en playoff. Mais bon, dans tous les cas, on n'est pas confiant si on joue. Dans tous les cas, ouais, ça sent pas quand même. Ça sent pas la win, quoi. Non. Après, on voulait défier les Celtics. On voulait les défier en finale de conf. Oui, d'accord. Ça se présente avant, fichu Cavs. On verra. Le printemps est encore un peu loin. D'ici là, notre joueur de la semaine, c'est. Mikal Bridges. T'imagines, les mecs ils lui ont chié dessus pendant une heure. Bah ouais, en fait, on aime bien son petit smile. Ouais, non. Toi, il a une bonne gueule, moi j'aime bien. Il beau gosse, il beau gosse. Non, on va partir sur Karl-Anthony Towns. Alors oui, Karl-Anthony Towns, ça sera pas le deepoy de la saison, même pas le deepoy des Knicks. Peut-être que Mitch, ça sera ce deepoy, ça sera ce game changer. Mais bon, Karl-Anthony Towns, au regard de la quinzaine, deux matchs à 40 points... Et des matchs à 30, des 18 rebonds par-ci par-là, bah ouais, il tient sa place avec ses qualités et ses défauts. Le genou, là, l'autre jour, pas plus tard qu'hier, nous a fait peur. Ouais, mais il revient en jeu, c'était pas nécessaire. Là, ton petit Bodo, il retombe dans ses travers. Et en même temps, c'est que le genou allait, j'ai envie de dire. Mais voilà. C'était pas nécessaire, on avait perdu le match. Ouais, on le savait. Il y a moins 15, il reste 3 minutes à jouer. Ouais, ok, d'accord, il dit, le joueur a dit que c'était bon. Et alors, donc, enfin... Après, il est retourné au vestiaire, ils ont peut-être checké je sais pas quoi, il y avait rien. Mais... Ouais, mais... Après, Karl Anthony Towns, c'est aussi un comédien. Il joue de... voilà, il passe son temps à chouiner aussi. Et voilà, et donc il se tient le genou quand il revient de dunk. Il s'est pas pris de coup, il est pas... Enfin, on n'aura pas vu de contact violent, il Ouais, n'y mais a pas eu on de... sait que c'est un joueur qui a tendance à se blesser souvent. Voilà, donc c'est pas... C'est une pièce maîtresse du dispositif d'Enix. On a vu que quand il n'était pas là, c'est aussi plus compliqué de gagner, parce qu'il apporte. Il apporte, hein. Même si défensivement, on aimerait qu'il apporte différemment. Oui, Mais voilà, en il tout apporte cas... 24 points, 13 ou 14 en banc, ouais, il apporte, ouais. Hey, 18 hier. 18, hein. Et on perd pour autant le combat des rebonds. Moi, j'aurais bien aimé que OG en apporte plus que deux, que Mika aille en chercher quelques-uns aussi. Voilà. Mais Ben, moi bon. j'aimerais. En tout cas, Ouais, beaucoup de choses que j'aimerais bien moi aussi. par défaut, et parce que ça reste un All-Star, et parce que les Knicks gagneront ou perdront avec Karl Anthony Towns, et que GB, bah, il a eu quelques coups de moins bien quand même sur cette quinzaine, et ben voilà, Karl Anthony Towns, c'est notre Knickerbocker Même of si the quinzaine. il a été deux fois ultra clutch, notamment contre Indiana. Et contre les Bulls, pas contre les Bulls, contre Atlanta, il a été à ce moment-là deux fois la même Oui, oui, action oui, oui. à 3 points. Il y a deux matchs où il a été ultra clutch, et si on va chercher la victoire, c'est grâce à lui. C'est Forcément, forcément. Quand il faut mettre des paniers clutch, c'est pas trop Kat qu'on va aller chercher, c'est plus Jalen Brunson. gros Donc 3 points voilà, là, les deux gros chaque. 3 points, puis sa nouvelle célébration là, de faire l'oiseau avec. Face aux Hawks, tiens, est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Je Un sais pas. signe? Un aigle? Oh. Bon allez, on va Un se pigeon? basculer maintenant sur un pigeon. On va basculer maintenant sur le programme de la semaine parce que les Knicks ont peut-être perdu deux matchs coup sur coup. C'est peut-être pas du back-to-back, mais il y a d'autres matchs qui arrivent et il va peut-être falloir chercher des victoires, se rassurer. On regarde ce qui se présente au programme des Knicks cette semaine. C'est parti. Et oui, petit aperçu sur le classement, mais bon, vous le savez, les Knicks sont bien confortablement installés, confortablement scotchés sur cette troisième place. Derrière, ça bataille un petit peu entre Indiana et Milwaukee, à voir qui aura l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Mais pour l'instant, sauf un écroulement des performances d'Enix sur la suite, on partirait plutôt sur ce podium. Je pense pas non plus que Boston ira rechercher, gommer son retard sur Cleveland. Donc voilà, pour le moment, nos Knickerbockers sont sur la troisième marche, médaille de bronze. Ça reste une médaille. Ça serait un recul par rapport à la saison dernière, effectivement. Bon allez, le programme de la semaine, trois matchs pour cette semaine, deux équipes de la conférence Est, ça serait bon de gagner ces matchs-là, une équipe de la conférence Ouest que les Knicks avaient battu, cette fois-ci ça se passera chez eux, un match à domicile, deux matchs à l'extérieur, il va falloir pouvoir gagner aussi en voyage. Le premier match sera dans la nuit de mercredi à jeudi, ça sera la réception des Philadelphia Sixers avec ou sans Joel Embiid, avec ou sans Mitchell Robinson. Bon, on verra. En tout cas, les retrouvailles du printemps dernier seront assurément une affiche à suivre cette semaine. Ensuite, déplacement dans le Tennessee pour le match dans la nuit de vendredi à samedi face aux Grizzlies. Les Knicks s'étaient imposés sur le premier match lorsque les Grizzlies se sont pointés au Madison Square Garden. Est-ce que les Knicks vont pouvoir aller gagner là-bas? On va le voir. On va voir aussi un peu la forme du moment pour les Memphis Grizzlies, qui est une équipe du haut du tableau de la conférence Ouest, même si ce n'est pas marqué de la même façon que la conférence Est. Et pour finir la semaine, un match dans la nuit du dimanche à lundi. Ça sera dimanche soir à minuit. Voilà, lundi plutôt à minuit, les erreurs. Et ce sera le fameux premier match du KNF, du grand KNF Trip, où on aura une partie de l'association qui sera à la Kaseya Center à Miami, à côté de South Beach, et eh oui, à côté de la fameuse statue de D-Wade. Je sais pas s'ils ont refait la tête. Et ça sera pour le choc entre les Knicks et le Miami Heat de Andrew À Wiggins. noter que, à noter que ben, mercredi à 1h du matin, le match contre Philadelphie est transmis sur beIN Sports. Et Oui, que il y a le vendredi match contre Memphis aussi. à 2, donc c'est la nuit de jeudi à vendredi, et donc d'un vendredi à 2h du matin, Ouais, le match contre. Donc il y a deux fois les Knicks sur beIN cette semaine. C'est vendredi à samedi. C'est Friday chez eux et donc Ben, moi j'ai vendredi 2h du mat, donc c'est pas samedi. C'est vendredi. Moi sur le programme, le samedi à 2h du mat, il présente Kings Rockets et Warriors Sixers. Et le vendredi à 2h du mat, il présente Kings Knicks Grizzlies. Ça va de minuit à minuit les jours. Donc vendredi 2h du mat, c'est vendredi 2h du mat. C'est pas samedi 2h du mat, c'est vendredi 2h du mat. Donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Eh bien écoute, on va reconfirmer ça, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils marquent. Ils marquent Oui. vendredi 2h du mat. Ils marquent pas Ah bah. samedi 2h du mat. Oui, bah, quand tu regardes là, le match, il est le vendredi aux États-Unis, donc le samedi en heure française. Mais c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. Ça va? je vois Saturday 1er mars sur ESPN. Je vois qu'il y a marqué Saturday 1er mars. Et sur le site de NBA Extra, il y a marqué vendredi 2h du mat. Donc. Je sais pas si ils sont gourés. Bon, on verra. Peu importe, en tout cas, c'est ces trois adversaires cette semaine. Seb, tu nous donnes un petit peu les forces et les dynamiques de ces équipes? Ouais, Si tu les as. bon, Si tu les as ouais. pas, tu les as pas. Si, je les ai. Bon, Philadelphie, c'est la foule merde. Je Hein. regardais leur match là, récemment, c'est vrai que c'est d'une tristesse absolue. Joel Embiid est en day-to-day, Kyle Lowry out, Eric Gordon out, Tyrese Maxey aussi. D'ailleurs, ils sont en train de se poser des questions de savoir est-ce qu'ils vont pas avancer, est-ce qu'ils vont pas faire des soins, c'est-à-dire une opération pour Joel Embiid, une opération pour Playoff P, et ainsi de suite, parce que bah, Ils l'ont finalement. prolongé cher en plus, le Joel Embiid. Hein. Ah, ils l'ont prolongé cet été, ils l'ont prolongé très très cher. Je sais pas s'ils ont mis des clauses de santé dans son contrat, mais ça Je sent sais pas. le bon move financier pour Joel, mais moins pour les Sixers quand même. Eux, depuis le 1er février, ils ont gagné que un match, tu vois. Ils sont actuellement sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, donc ils sont en 1-9. C'est pour ça, chaque équipe a ses problèmes et ses réussites. Mais c'est vrai que cet été, après le trade de Paul George, l'arrivée de Gershon, voilà, certains positionnaient aussi Philadelphie comme contender. Bon, on voit que la saison, elle est bien compliquée. Alors, il est sûr que toutes les blessures aident pas. Mais même une fois que les joueurs sont sur le terrain, bah, ça gagne pas les matchs que ça devrait gagner. Ouais. Ça a perdu contre qui? Contre Brooklyn récemment? Là, ouais, j'ai regardé le match contre Brooklyn au buzzer, là, Nick Claxton au buzzer qui fait une petite claquette. Ouais, et puis ils se sont fait éclater contre Boston. Limite, les Nets auraient plus de chances d'accrocher le play-in Et les Nets, ils que les ont les battus. Sixers. Ouais, les Nets, ils les ont battus deux fois là dans la dernière semaine là. Ils les ont battus Ouais. deux fois. Enfin, donc, et avant nous, ils vont jouer Chicago. Avant nous, et un match très important pour eux parce que Chicago est juste devant, ils sont dixième. Et d'ailleurs, tu dis ça, mais Brooklyn est passé devant eux au classement. Oui, Il c'est passe ça. devant Philadelphie au classement. Ouais. Donc une équipe des Sixers qui est pas très en forme. Non, pas du tout. Mais. Sept défaites, tu as dit, consécutives? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7. Ouais. 7. Est-ce que les Knicks vont pousser à 8? Bah, on espère Non, en tout cas. Et. ils joueront Chicago Ah non. avant. Ok. Ils joueront Chicago avant. Alors ensuite, on enchaîne avec Memphis. Là, par contre, c'est autre chose, hein. On passe d'un bilan de 20-36 à un bilan de 37-20. Donc le même que le nôtre. Eh oui. Donc bon ben voilà, ils sont troisième à l'ouest, Memphis, même si cette nuit je crois qu'ils ont perdu contre Cleveland et comme il faut. Ouais, non comme il faut, non, 129-123. Bon. Mais c'est une équipe actuellement ouais, qui est là sur la dernière semaine un peu plus compliquée. Ils ont connu une petite baisse avec deux victoires pour quatre défaites. Donc actuellement c'est pas ouf. Mais c'est quand même une équipe à prendre au sérieux. La dernière fois qu'on Ouais. les a joués, je crois bien qu'on Pas les a gagné. défoncés. 143-106. Donc à voir cette On fois-ci. va pas vendre la peau de l'ours trop vite, mais voilà, ça se passera chez eux et le choc finalement des troisièmes de chaque Et conférence. sûrement avec un Donc retour à ce moment-là de Mitchell Robinson, sûrement. Sûrement. Avant on en nous, ils vont parle, on en jouer. parle. Avant nous, ils vont jouer Phoenix, qui est vraiment aussi pitoyable. Là, je les ai vus autre jour là. Phoenix, c'est pitoyable. Hein. Ils ont encore perdu cette nuit là. Est-ce que coach Budenholzer va sauter? On verra. En tout cas, c'est pitoyable. Ensuite, eh ben, on va finir donc la semaine avec Miami. Donc, ben, nos amis de Miami. Actuellement, ben, ils ont Jovic et Love qui sont out. Eux, ils ont un bilan de 26-29. De mémoire, je crois qu'ils sont 7 ou 8e. 8e. Voilà. 8e à l'heure où on regarde. Voilà, Juste donc. derrière Orlando. Bon, après, une défaite de moins, mais surtout trois victoires de moins. Pas top Ils ont en tout aussi, cas. pas top aussi leur mois de février, avec Ouais. juste que 3 victoires sur le mois. Ils ont gagné Toronto en overtime, ils ont gagné Philadelphie et ils ont gagné San Antonio. À côté de ça, ils ont perdu ben, contre Brooklyn, contre Boston, contre Oklahoma, contre Dallas, contre Milwaukee. Donc voilà. Et avant nous, donc ils sont pas, voilà, c'est pas tip top hein, leur côté. Et avant nous, donc ils vont jouer à 2 reprises contre Atlanta. Ils vont jouer Indiana et ils vont jouer les Knicks. Voilà. Donc quand même une grosse semaine pour eux, Ouais. pour Bah, Miami. tant mieux. Tant Grosse mieux, tant mieux comme 4. ça. On a 3 matchs, ils en ont 4 et puis ils ont de grosses équipes. De grosses équipes. Enfin de grosses. On parle de la conférence Est, hein, mais alors Ils mais ont voilà. des équipes, on va dire, en objectif playoff avec des bilans positifs. Et finalement, c'est tout ce qu'on va retrouver cette semaine côté Knicks. Le Heat qui a tourné enfin la page, Jimmy Butler, ça a été compliqué, ça a été un drama toute la saison. Et ils ont enfin tourné la page. Est-ce que pour autant, ça va leur permettre de partir de l'avant et d'accrocher ce wagon pour les playoffs? À voir. On se méfiera en tout cas de ce déplacement à Miami. Bon, la question traditionnelle, c'est quoi l'affiche numéro 1 à ne surtout pas louper selon toi cette semaine? Sixers, Grizzlies ou Miami Heat? Écoute, je vais te surprendre. Ah bon? Je peux pas te Aucun. dire. Okay. Ouais, Je vais pas les regarder. je regarde rien. J'en ai marre, j'en ai marre. Non, mais pour moi, c'est le match que je vais vouloir regarder parce que ce sera contre les Sixers parce que ça me fera plaisir de les voir si on peut les défoncer. Voilà. Le Grizzlies, non. Et puis, non, ce sera les Sixers parce que j'ai envie qu'on se rassure. Donc, j'ai envie qu'on se rassure avec un blowout. Qui de mieux que les Sixers pour leur mettre un blowout quoi. Voilà. J'en ai marre de les voir perdre et de se voir se faire éclater. Je veux les voir gagner. J'ai envie de prendre du plaisir. Donnez-moi du plaisir quand je regarde les Knicks, s'il vous plaît. Voilà. Ça sera le match. J'ai envie qu'on se rassure. Et j'ai envie qu'on se rassure avec la manière. Et j'ai envie qu'on écrase et qu'on leur mette la tête sous l'eau aux Sixers. Voilà. C'est tout. Alors, je te rassure que j'ai la même envie. C'est peut-être pas forcément le match de Philadelphie que je vais attendre le plus. Le match de Miami, si j'avais fait le déplacement, forcément, j'aurais bien aimé le voir. Oui, mais non. Oui, j'ai aussi envie qu'on batte et qu'on se rassure vis-à-vis des Sixers. Ça se jouera pas à Philadelphie. On sait que Josh Hart, que Mikal, que JP, ils aiment bien jouer là-bas à Philadelphie. Ça leur rappelle leurs années universitaires. Mais oui, non, il va falloir remettre gentiment ces Sixers à leur place. Est-ce que Embiid sera là ou pas? Bon, on sent une équipe quand même qui se cherche, qui est en difficulté. Et les Knicks qui ont besoin de se relancer. Donc, quoi de mieux à la maison de se relancer face aux Sixers? On peut l'espérer. Il y a un écart aujourd'hui au classement de la conférence, donc bon, je te donne limite mon prono quand je dis ça. Et en même temps, je crois que c'est moi qui avais le meilleur prono la semaine d'avant. Mais non, le match que je vais attendre le plus, ça va être le match face aux Grizzlies. C'est l'équipe qui est la mieux classée dans cette semaine, dans cette conférence ouest, qu'on va rencontrer. Donc le choc des trois, voilà, on leur a mis un blowout. Est-ce qu'on est capable de s'imposer une nouvelle fois là-bas? Ça va être un road trip aussi. Il n'y a pas de back-to-back cette semaine, donc il y a de quoi se reposer entre les matchs. Mitch, pas Mitch, le retour. Bon, on a dit, ouais, avant mars, début mars. Bon, ça va être là, maintenant, là, il va falloir qu'on le revoie. Donc, ouais, moi, ça va être le match face aux Grizzlies que j'attends le plus. C'est l'affiche qui est la plus valuable quand on regarde les classements des deux conférences et au niveau de ces deux équipes. Bon, le prono, j'enchaîne. Du coup, je disais victoire facile face aux Sixers. Voilà, normal. Face aux Grizzlies, j'aimerais bien une victoire. Et puis, allez, 3-0, Miami, on gagne là-bas. Pour se rassurer, pour se relancer, pour se redonner du baume au cœur, pour oublier toutes ces défaites face aux grosses équipes, eh ben, faut gagner sur toutes celles qui sont classées derrière nous. Et celles qu'on a déjà battues, en l'occurrence les Grizzlies. 3-0, c'est mon pronostic optimiste de la semaine. Parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie d'être optimiste. Prendre du plaisir? Je sais pas. La prise de plaisir cette saison, elle est un petit peu particulière vis-à-vis des matchs des Knicks qu'on peut suivre. Mais allez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, on va dans le bon sens. Mars, ça repart. Mitch, il revient. Il nous aide un petit peu. Beaucoup, passionnément, à la folie. On verra. Mais il va nous aider. 3-0 pour moi. Eh Et ben, toi? je te suis. Ok. Ouais. Allez, merci, bonne semaine. Moi aussi, tu vois, j'ai envie d'être optimiste. C'est, tu vois, c'est marrant parce que hier on en parlait avec un groupe de potes. Et en fait, moi, si tu veux, cette année, cette équipe, j'ai presque aucune attache émotionnelle avec elle. Et hier, quand on a perdu contre Boston, d'abord on a perdu contre Boston et en fait, je m'en foutais, tu vois. Enfin, c'était en mode. Bon, Ah, on s'y attendait, on le voyait venir. on a perdu. On Non, s'est mais. pris un blowout la veille. Ouais, Enfin, tu vois, ben, la maintenant on commence à la cerner cette équipe. veille. Et en fait, toi, je t'ai pas dégoûté, la vie a continué son cours, et puis voilà, on a perdu, on s'est fait défoncer, et puis voilà, et puis écoute, voilà. Bon, bah, il faut très bien Boston est tout passer. simplement plus fort. Et Boston est tout simplement plus fort. tu vois, il y aurait eu un temps où toi, on aurait été dégoûté, en mode, ah, putain, on aurait ruminé. Là, tu vois, bon, bah, Parce que même avec le comeback, on même ruminait. avec le comeback, on recolle à moins 4. Moi, je voyais qu'il y avait du Pritchard sur le terrain, qu'il n'y avait pas du Jrue Holiday. Voilà, Boston n'avait pas mis toutes ses armes en Et puis face non plus. Boston, si tu veux, il s'était dit, attends, on les a éclatés deux fois, là, on est en train à nouveau de les défoncer. En fait, on va essayer, on va jouer à 45% de nos possibilités, Ouais. voir ce que ça Hey, fait. Tu je vois? shoote main gauche. Voilà, shoot en fermant les yeux, main gauche, tu vois, sur une jambe. Là, ils ont fait ça, les Knicks sont revenus, ils ont fait, bah, le coach qui a fait, bon, les mecs, 2 secondes, on se remet la tête à l'endroit et on les termine. L'équipe a fait, d'accord, ouais, ils nous ont terminé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas voir au-delà ce comeback du troisième. Il ne faut pas le voir plus beau que ce qu'il est. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, mais sinon, ouais, j'ai envie d'être optimiste, comme toi. Et je me dis, allez, on a trois équipes qui sont à notre portée. Ça peut faire plaisir, surtout que tu vois, j'ai sous les Je yeux le pensais que calendrier. tu m'aurais dit une défaite à Memphis, pour le coup. Bah, tu sais que ça peut être un 3-0, mais ça peut être aussi un 1-2 avec une vieille défaite, tu vois, genre Miami ou Philadelphie, et une victoire étonnante, tu vois, Parce que contre Philadelphie, Memphis, tu vois. on a gagné en prolongation, je crois, sur un des matchs. Je sais pas Donc. si c'est le troisième là où j'ai un doute, mais il me semble qu'il y a un match contre Philadelphie où ça a été plus compliqué que prévu, Attends. malgré un effectif des Sixers qui est en difficulté cette saison. Il me semble que ça a Oui, été accroché. 125-119 le 16 janvier. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai ça en mémoire? Parce que j'ai dû voir le résultat quelque part, mais donc voilà, donc attention de ne pas vendre la peau de l'ours trop vite face aux Grizzlies. Les Sixers, ils seraient bien capables de nous jouer un mauvais tour alors qu'ils n'arrivent pas à enchaîner dans leur saison. À voir. Et avant ça, les Miami, bah Sixers, Miami. on les avait gagnés 111-99 avec un gros OG à 24 points. C'était il y a longtemps. Est-ce qu'on peut avoir un gros OG? Eh ben on verra. On verra. Est-ce qu'on peut avoir un gros OG? Un gros OG. Bref, les Knicks, vous nous devez une revanche. Les joueurs ont parlé, les joueurs savent qu'ils ont pas, ils ont pas assuré face à ces matchs, sur ces matchs test. Ils auront d'autres occasions d'essayer de briller, de se rabibocher avec la fanbase. On verra, on verra. Voilà, comme Bon, tu Seb, dis. je crois qu'on a fait un gros tour, une grosse rétrospective sur All-Star Break. On avait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voisin du dessous, bon courage! Oh, tu sais que ça y est, c'est fini. Moi, je suis résilié, si tu veux, c'est fini. Non, non, non. Est-ce que se faire éliminer par Boston en playoff, ça serait un échec? Est-ce que 4 blowouts, ça serait un échec? Est-ce qu'un sweep en playoff, c'est un échec? Ouais. Un sweep en 4 blowouts? Et inversement, un 4-2, perdre 4-2, Ouais, bon. 4-1. Ouais. Faut s'y préparer. Préparez-vous à tout. Ouais. Nous, on est prêts à tous les scénarios. Préparez-vous à une sortie de piste au premier tour contre Par Détroit. contre, c'est un truc dont on n'est pas prêt, c'est un titre en juin, mais bon, Non. allez, pourquoi Voilà. pas? Et Pourquoi pas? Soyons ça, c'est optimistes. un scoop, hein. Par contre, normalement, il n'y a pas le défilé, hein, sur. Et ouais. Préparez-vous à prendre vos billets pour New York en juin pour la parade. Voilà, grosse cote en tout cas. Ah, ok, Allez, grosse cote. sur cette 114e émission, on va rendre l'antenne. On vous souhaite une très très bonne semaine. On vous retrouve peut-être très bientôt sur les réseaux sociaux. En vocal, Il n'y a en pas de space, en ce que space vous voulez. mardi. Mardi, il n'y a Eh ouais, pas. je crois que Non. Chappie fait un break lui aussi. Tout le monde a le droit de faire un break. Et les Knicks, non. Non. Les Knicks, ils font plus de break, c'est fini. Non. D'accord? Bougez-vous le fiac! Donc on vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. Et puis on verra qui a eu raison, 3-0 ou 3-0. Eh ben ça, on en parlera la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et let's go Knicks. Ciao, ciao! Ciao.